Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis et parfois même les dimanches après match de 20h à 21h30 pour parler de l'actualité, la riche actualité du FCGB. Et évidemment ce soir on va revenir sur la première victoire enfin au bout de 3 matchs en championnat des Girondins de Bordeaux. C'était hier face à l'AS Monaco de Buzyn pour la 3ème journée de Ligue 1. Vous avez pu suivre avec nous peut-être hier l'après-match qu'on a fait en direct juste après le match. Vous y avez peut-être participé. Ben, on va continuer un petit peu ce soir à revenir sur ce match, à en parler, voilà, un petit peu à froid. Une journée s'est passée, on aura peut-être le temps d'analyser un petit peu ça sous le coup de l'excitation de la victoire. On va évidemment parler de ce qui nous attend jeudi. Match ô combien important jeudi soir au Matmut Atlantique, nouveau stade de Bordeaux-Renégalis. Le match retour des barrages de l'Europa League face à la Gantoise. 20h45, coup d'envoi tous au stade, les places sont pas chères, 5 balles. Et si vous êtes abonné, c'est gratuit. Et évidemment, on ne pourra pas occulter l'actualité chaude du moment, c'est-à-dire la venue ou non venue d'un entraîneur à Bordeaux. On n'en est même plus à parler juste de Thierry Henry, mais puisque depuis hier soir hier après-midi, l'article de Paris Match, tout est, tu sais, il y avait Hiroshima et Nagasaki. Ben là c'est pareil, t'as eu Hiroshima avec Poyet et là t'as la suite, mon gars, t'as la deuxième, 3 jours après, oui, après t'as la deuxième qui tombe. Alors peut-être pas dans le bon sens, mais... Oui, bah ouais, enfin, dans le bon sens. En espérant que ça calme un peu tout le monde, parce que là il est grand temps quand même. Vous, je sais pas les gars, je vous poserai la question, mais il est quand même grand temps que les choses se règlent rapidement. Déjà, qu'on ait un entraîneur, que ce soit Henry ou pas, je m'en fous, mais qu'on ait un entraîneur, un coach avec un projet, peut-être un directeur sportif, mais qu'on ait au moins des noms, on sait, et des samedi, mecs à la tête de ce qui se passe. Samedi ou après l'émission de vendredi, ce sera déjà un peu plus calme. Bah, plus de mercato, au moins plus de questions de qualif européenne. Ce qu'on peut pas vous dire, c'est qui sera l'entraîneur des Girondins, mais ce qu'on peut vous dire, c'est ne ratez pas l'émission de vendredi. Oui. Puisque, et d'un, on saura qui est l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, et de deux, il restera plus que 23 heures au coup d'envoi de l'émission, avant la clôture du mercato, donc tout pourra se passer. Et puis voilà. Et puis, il y aura la qualif européenne ou pas? Et puis, il y aura peut-être la qualif européenne, donc vendredi, ça va être une très, très, très, très lourde émission, en admettant que tout se passe bien, hein, parce que si t'as pas d'entraîneur, que t'es pas qualifié, là, pour le coup, je pense que ça va être deux Tranxen, 3 Xanax, et en avant la musique. Bien! Messieurs, avec moi ce soir il y a Enzo. Salut Enzo. Salut, salut. Comment ça, ça farte? Ouais, ça va. Salut, ouais, salut. Tiens, salut, salut, salut, salut. Ouais, ah, jingle Flanders, pourquoi pas. Adrien est là également. Comment ça va, mon petit? Ouais, ça va bien. En forme? Oui, à fond la forme. À fond la forme. Bim. Voilà, pas de publicité. 10 euros touchés par Décathlon. Intersport, Go Sport, voilà, Sport 2000. Mais Décathlon, ils sont plus marrants sur Twitter, du moins. Marc également, dans ce studio, il va pas tarder à arriver. Il est au téléphone avec Henri. Il a un coup de fil à passer avec Thierry Henry et GACP. Et vu son niveau en anglais, eh ben, vous comprenez que ça peut durer un moment. Voilà. Alors, on aura peut-être, je vous dis bien peut-être, parce qu'on est en train de... Peut-être un invité au téléphone. On n'ose même pas vous dire qui. On l'a teasé, mais heureusement qu'on l'a juste teasé. Et pas sachez que c'est un ancien joueur des Girondins, mais voilà, c'est en train de se régler en direct. Hein, on va le caler pendant l'émission en direct. Donc, à vrai dire, pour l'instant, rien n'est sûr. Mais... À vrai dire, ça se trouve, on va croire que c'est un auditeur qui nous appelle et ça sera peut-être lui. Donc alors dans ce cas-là, ça serait bien que si ça sonne, tu te rapproches du téléphone. Oui, mais c'est bon, ça va, 20h. Voilà, mais sachez qu'à tout moment, d'ici 9h30, on peut avoir un invité spécial. Ce fameux invité spécial, et je pense que ça vous fera plaisir. C'est un ancien qui a laissé plutôt un bon souvenir. Comment avoir de l'audience facile ici à Bordeaux? Dire que t'auras un invité spécial et pendant pas. L'émission. Bah ouais, mais on aurait bien aimé vous donner une heure précise et un truc précis, mais là, bon. On l'a peut-être un peu voilà. Fait. Il y a des fois des choses qu'on maîtrise pas, et ça, c'est pas de notre faute. Bien. Vous pouvez également nous joindre au 05 56 35 31 31 pour réagir en direct avec nous dans l'émission, le ou chat. Sur les réseaux sociaux avec le hashtag Dirija. Tout à fait, tu fais bien de le rappeler, mon petit Enzo. D'ailleurs, il y a je crois qu'on a fait 4 sondages aujourd'hui, 2 sur le match, 1 sur Henry et 1 sur, je sais plus d'ailleurs, c'est quoi le quatrième, sur le buzz, je crois, un truc comme ça. Je t'avoue, je peux pas t'aider. Si, c'est sur le buzz. C'est ça, voilà. Donc on vous donnera les résultats des différents petit sondages à petit. Qu'on vous a voilà. Bien messieurs, on va oui, je dis j'étais sur le chat. Le chat, ami du chat, bonsoir. Salut Cyril, salut Lucas, salut Juju, salut voilà, salut tout le monde, c'est en train d'arriver petit à petit. Bonsoir à vous. On va commencer. On va commencer donc tout de suite. Vas-y, vas-y. Vas-y, faut appuyer. On va accueillir sur le chat un auditeur. Voilà, on va commencer tout de suite le débrief. Et là, imagine, c'est notre invité. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est Aurélien, ton prénom, c'est ça? Tout à fait. Donc je suis pas un ancien joueur. Salut Aurélien. Je suis désolé. Salut Aurélien. Comment ça va? Ouais. Oh là, c'est pire que Dallas. C'est Western Spaghetti, tout ce qui s'ensuit là. C'est. Alors, bon, si ça, ouais, bon, on était parti sur le match, mais Ah, le match, la seule chose qui fait plaisir, honnêtement, le meilleur match des Girondins cette année, vraiment de l'envie, le jour et la nuit par rapport au match de jeudi, et honnêtement, on peut avoir beaucoup de chances de passer jeudi si on refait le même match. Petit point négatif, c'est qu'on a, du coup, on aura sûrement Pablo Levchuk. En défense centrale, donc ça va être L'expulsion de Jules Koundé fait que tu auras Pablo Levchuk en défense centrale. Voilà. Et par contre, oui, ça fait là 2 matchs que carton rouge la semaine dernière et la dimanche, la petite bourde pour Koundé, c'est un petit peu dommage. Il est un petit peu moins bien, même si c'est repris par la suite, un petit peu moins bien. Mais par contre, on a quand même, on peut le dire, un couloir gauche avec Pounjé, Kamano. Et très bonne rentrée de Palencia avec Kalou. Honnêtement, on a 2 ailiers qui sont vraiment pas mal du tout. Ah bah à Toulouse, ils avaient déjà fait un très bon match, moi j'avais trouvé, pour une première. Et franchement, moi, Bon, alors il y a que 2 matchs de jouer, on va pas s'enflammer, oui. Mais ça c'est ressemble. Plutôt vraiment pas mal propre, voilà. Et tout ce qu'ils proposent. Donc honnêtement, on est. Et il manque, en fait, il nous manque juste un 9 pour avoir un petit trident offensif qui pourrait être sympa comme tout. On n'aura peut-être pas. Mais honnêtement, oui, Sankaré qui a fait un bon match et tout, sur la part en plus pas décisive pour Kamano. Kamano qui d'après Bédouin n'était pas content de ne pas être titulaire jeudi, il a répondu, encore une frappe enroulée, et puis une victoire à la 93e, tranquille. Est-ce qu'à un moment dans ce match, on en a parlé un peu hier lors du débrief qu'on a fait en direct juste après, mais est-ce qu'à un moment donné dans ce match comme moi. T'étais au stade ou Aurélien ou t'étais Non, j'étais pas au stade malheureusement. Alors, c'est intéressant parce que nous on était au stade, donc du coup on va avoir une. C'est bien d'avoir des gens qui ont vu le match aussi à la télé parce que des fois t'as pas le même ressenti. Enfin c'est pas des fois, c'est sûr, même t'as pas le même ressenti. Je t'avoue que après l'ouverture du score, après l'égalisation, on va pas se mentir, le but on leur donne. C'est cadeau. Oui, tout à fait. Tu tapes un poteau avec Kalou, tu rates un penalty. Ouais. Je me appelle penalty raté, je me suis dit. C'est pas possible, on va se faire avoir à la fin, on va perdre 2-1 et on va encore se bouffer les doigts et dire oh là là là là, après le péno raté, je me suis dit c'est pas possible, ça y est, on s'en prendra à la 92e, 93e, on va perdre ce match alors que c'était le meilleur match de notre saison et tout. Et puis non, mais c'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis, c'était assez compréhensif, on avait joué jeudi, même si quelques joueurs ont tourné. Déjà en fin de première mi-temps, on avait un peu plus de mal. Et c'est vrai que heureusement qu'on marque les premiers, heureusement, parce que je pense que aller chercher si on avait été mené, ça aurait été très très difficile. Mais après l'égalisation monégasque, j'ai dit oulala, faut vraiment qu'on accroche au moins le nul, le péno raté, c'est pas possible, et on a bien résisté, puis finalement, faut être honnête, on n'est pas non plus tombé contre une équipe de Monaco. Excellente non plus. Franchement, on va pas se mentir. Dans l'avant-match qu'on avait fait vendredi, certains de mes collègues autour de la table disaient oh là là, attention à Monaco, on va se faire défoncer 3-1, 2-0, machin, tout ça. Je leur ai dit les enfants, personnellement, j'avais vu les 2 premiers matchs de la SM cette saison. Moi, ils m'avaient pas renversé de mon canapé, si tu veux, Monaco contre Nantes et contre Lille. Donc je me disais, pourquoi serait-ce si improbable de croire que Bordeaux ne peut pas battre l'AS Monaco? Et c'est vrai que Monaco a quand même été, même s'ils nous ont un petit peu bougé quand même en deuxième mi-temps, on s'est fait un petit peu bouger. On n'a pas vu Falcao, honnêtement, on n'a pas vu Falcao. Voilà. Après, ce qui a fait la différence un peu pour Monaco, c'est les rentrants, là, le jeune italien là, qui a marqué. Mais qui a marqué, ouais. Voilà, qui a même lobé carrément. Donc, qui n'a que 17 ans, vous vous rendez compte? Voilà, Costil qui s'est encore pris un lobe. Hein. Ouais, enfin là, quand même, Aurélien. Moi, je veux bien qu'on tape encore sur Costil sur ce match-là, mais enfin, bon, quand même. Je tape pas sur lui. Hein, je veux dire, là, c'est même pas sa faute. C'est Koundé qui fait l'erreur. Qui fait l'erreur. Même, oui. Mais mais après, honnêtement, ouais, même si on n'est pas tombé contre une grosse équipe de Monaco, on a plutôt très bien joué, surtout en seconde mi-temps. On a réussi à les contenir malgré l'égalisation du score et à aller chercher la victoire. Donc, c'est que quand même dans la tête mentalement, ben, ils étaient là. Donc honnêtement, que des bonnes choses avant le match décisif contre Gent jeudi. Oui, vas-y, Aurélien. Voilà, et après, bon, le truc fort dommageable, c'est quand même qu'à la mi-temps du match, Paris Match qui nous sort, Henri, c'est en plus, eux, ils ont dit au conditionnel, Henri va dire non aux Girondins, mais ce qui gâche un peu la victoire, c'est un peu dommage, surtout qu'on... Vu les bruits de couloir qu'on entend, on ne sait pas si ce serait plutôt oui, c'est plutôt non, on n'en sait rien. C'est vrai que là, pour le moment, que ce soit même les journalistes, ils savent même pas, en fait. Surtout que les journalistes, surtout l'équipe RMC la semaine dernière, avaient dit « Henri, dis oui aux Girondins ». Après, c'est même pas une question de journaliste ou pas, en fait. C'est surtout qu'il se passe beaucoup de choses. On n'a aucune info. On n'a aucune info, mais c'est parce que c'est d'accord avec Henri. Et par la suite, les Américains, ce serait là que ça pose un problème. Oui. Après, à savoir, Aurélien, ce qui est aussi important, c'est que les infos, on les a souvent parce qu'en fait, c'est des infos qui viennent directement du club. Mais oui, là, on n'avait rien du tout. Mais là, c'est quelque chose en fait qui se passe aux États-Unis avec GACP. Donc, ce qui se passe avec GACP, en fait, sachant qu'ils viennent juste d'arriver et que ça se passe directement aux États-Unis, les fuites, il n'y a pas de fuite en fait. Oui, donc, mais le problème, c'est que ça n'aide pas. Le souci, c'est que finalement, on a entendu MC, dont De Taverneau, hier après le match, qui n'a pas confirmé ou infirmé la rumeur auprès d'Henri, etc. Et tout, mais par contre, il a dit une chose qui est symbolique. Il l'a dit, je ne lâcherai pas la manche. Il y a des choses qui ont été demandées pour la vente du club. Il a dit, une chose comme ça, hein, il a dit, je ne lâcherai pas dessus. Donc, voilà. Je me dis qu'on est encore très très loin de la vente du club, voire peut-être que c'est en train de se retourner, parce que si Henri ne signe pas on va pas se mentir, c'est pas d'hier qu'on entend des, alors c'est pas une info, hein, si vous avez écouté l'émission qu'on a fait, l'émission de 4 heures le lendemain de la bombe atomique qu'a lâché Poyet, on avait eu entre autres Christophe Hutto, l'agent de Gaëtan Laborde, et quel journaliste, Nicolas Morin, notamment. Les deux nous avaient plus ou moins entre les lignes fait comprendre que attention, c'est pas fait, et tant que c'est pas fait, tout peut se passer, surtout dans l'imbroglio qui bon, la bonne nouvelle, comme je disais hier, Aurélien, c'est que visiblement ça a pas l'air de trop déranger, cette situation a pas l'air de trop gêner les joueurs au vu du match d'hier. Oui, oui, mais je pense qu'il y a le fait, c'est qu'il y a Eric Bédoué aussi qui va grandement, honnêtement, même s'il déteste être entraîneur et tout, qui joue encore les pompiers, encore un grand respect. Ouais, ça fait 4 fois d'affilée, le mec, je pense qu'il n'a plus au pouvoir. Quoi, Il a plus joué, il a plus entraîné que Goku a joué sur les dernières saisons. Tu sais, Aurélien, je me mets à sa place, le pauvre Bédoué. Ah ouais, mais... quand il a dû apprendre, ou est-ce qu'il était à côté de Poyet lors de la conférence de presse, je sais pas, mais quand il a dû apprendre ce qu'a dit Poyet, il a dû se dire « Oh, hein, allez, c'est bon, ça va être encore pour moi. » Ouais, mais c'est pas si mal, finalement, c'est pas si mal. Bon, après, la défaite de Toulouse, bon, voilà, on aurait dû au moins avoir le nul, mais finalement, c'est pas si mal, parce que on se prend pas de but, donc on est encore en course pour la qualif, on bat Monaco. Donc son bilan est plutôt très très bon. Mais il sera là jeudi, peut-être. Hein. Oui, non, mais il sera là jeudi, c'est sûr. Oui, donc s'il se qualifie, c'est parfait. Mais après, je suis persuadé, pour moi, que Bédoué, il aurait pu faire une grande carrière s'il n'avait pas eu. Est-ce qu'il en a enfin Non, il en a pas eu envie, je pense. Si tu fais préparateur physique, c'est un mec de l'ombre. Ouais, c'est un mec de l'ombre. Mais après, techniquement, il a tellement appris avec des entraîneurs de gros calibre, avec des entraîneurs tactiques et tout. Bédoué, ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans qu'il est là. Il aurait pu être un grand entraîneur. On l'a vu hier sur son changement avec Depréville. Je trouve que ça a été un choix très important. Ou même le fait, alors même si c'est critiquable, pardon, je remplace Marc. le fait de titulariser des gens comme sa simple présence de Blasil ou Lauragueur, des gens comme lui, comme eux, ben c'est des joueurs en fait qui ont le dos solide et qui ont déjà connu des crises comme ça dans les clubs. Donc même si c'est critiquable, tu vois, genre c'est quand même des choix intéressants. Ah oui, mais heureusement qu'il est là encore pour être le pompier. Maintenant, le problème c'est que chaque jour on apprend des choses, il y a tellement de choses qui arrivent sur le club, mais en ligne Bordeaux, c'est le calme, la tranquillité, mais là on en a pris pour, je sais pas, pour 10 ans, pour 20 ans là. Ah oui, là je pense qu'on a pris notre dose de boxon pour les 20 prochaines années. Oui, là c'est clair que Bordeaux, vous rendez quand même compte les enfants que, alors après évidemment on peut pas savoir les choses à l'avance, mais Bordeaux est le, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, toute proportion gardée, mais l'épicentre du foot français depuis, allez, on va dire une dizaine de jours, hein, depuis que Poyet a démissionné. C'est tout bon, mais rien que le fait de voir que l'équipe a mis sa une sur Bordeaux, oui, alors que Marseille a joué hier soir à 21h, c'est une première depuis des années. Et oui, non, mais c'est déjà ça met, alors évidemment, ça met pas le club en lumière pour des bonnes choses. Ça met le club en lumière pour des crises et des problèmes et des machins. Mais le club est sous les feux des projecteurs depuis une dizaine de jours. Alors, certains disent qu'on en parle en bien ou qu'on en parle en mal, l'essentiel c'est qu'on en parle. Ce qui n'est pas faux non plus. Mais comment dire, c'est-à-dire, je ne sais plus où je voulais en venir. Je suis parti dans un truc. Le fait que ça soit médiatisé. Voilà. Bordeaux est vraiment l'épicentre du foot français depuis une semaine. Tout le monde se demande, alors Henri, pas Henri, Ranieri, les Ricains, pas les Ricains, et Poyet qui s'en va et machin. On n'a pas l'habitude, nous, à Bordeaux, de ce genre de. Non, mais même, je parle même au niveau de la direction. Hein. Les Marseillais, bon, pas la nouvelle direction, mais par exemple Louis Dreyfus, bon, lui, il savait que tous les ans ou tous les deux ans, c'était ça, hein. Tous les deux ans ça repartait sur ça, le coach, le machin, Kashkar viendra pas, Paris je vous en parle pas, des clubs comme ça, eux ils ont l'habitude de gérer ce genre de truc. Nous à Bordeaux, le pauvre Martin, alors je me mets à la place du président Martin, lui ça fait combien, ça fait un an et demi qu'il est là, deux ans, un an et demi, il en a vu quand même en deux ans. Je pense qu'il a pris lui aussi sa dose de... Lui, c'est bon. Il a pris sa dose lui. Parce que... Ah oui, mais là il aura tout connu. Ah ouais, entre Gourvennec, Sagnol, Trio qui semble. Non, Sagnol il a pas connu, je crois. Il a pas connu Sagnol. Bon, enfin, entre l'épisode Gourvennec, le truc, le machin, le vidéoton, Poyet. Ça a été un peu lourd. Sur Uyenzo. Non. Ah pardon. Sur le match d'hier, on avait des. Alors je sais pas s'ils sont prêts, Enzo, ou pas, les sondages. Sinon c'est pas grave, on peut avancer un peu. Je m'en suis pas occupé de tout l'après-midi. Alors Adrien, sur Twitter, je vais retrouver ça pour l'élection du joueur du bon et du moins bon joueur. Le moins bon joueur, sachant qu'il y avait Koundé et deux autres choix qui étaient plus humoristiques. Oui, voilà. Alors après, quand on dit top et flop, forcément sur un match comme hier, on peut pas, même si Koundé il fait sa faille et qu'il fait pas un match extraordinaire. Il était très bon par la suite. Hein. Voilà. Il était vraiment bon. Donc même si j'ai pas trop aimé moi ses relances. Depuis ça fait quelques matchs, je trouve qu'au niveau des relances, il est pas trop intéressant. Il fait des relances quand même assez. Enfin, on a l'impression qu'il est pas vraiment serein et qu'il ose plus faire comme il faisait avant. Même si on l'a vu en fin de match qu'il a réussi à aller mieux. Mais c'est vrai qu'on l'a pas trop vu. D'habitude, on le voit faire des percées, on le voit faire des passes plus dans l'axe à ras de terre. Là, on l'a vu en fin de match, mais c'est clair que ça fait quand même 2-3 matchs qu'on le voit plus trop faire ça. Mais est-ce que ça m'effondre finalement? Ça vient pas du fait qu'il a un nouveau statut depuis que Paul Bayes est parti et qu'on lui a peut-être fait clairement comprendre que c'est lui titulaire maintenant indiscutable avec Pablo et que avant t'avais Paul Bayes, donc lui il est encore jeune quoi finalement, donc en plus avec tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui joue? Alors, j'ai retrouvé les sondages. Alors, on avait mis pour le bid du match, on avait mis 3 possibilités. Alors, c'était plus humoristique, même si je ne suis pas forcément d'accord sur la deuxième. On avait mis Koundé, la pelouse ou la climatisation Paris Match. Alors, la pelouse. La pelouse, je l'ai trouvé magnifique. Oui, moi, comme, Enzo. Depuis le début de la saison, je trouve que Bordeaux, vraiment, c'est une pelouse au top. Eh ben oui, garçon. Eh ben, monte à l'étage comme j'étais en première mi-temps et tu verras que la pelouse, elle est loin, mais alors très loin d'être, je te promets. J'en ai pas cette impression. Eh ben, Enzo, je me suis fait la remarque, parce que j'ai vu donc la première mi-temps à l'étage, la deuxième en bas. Quand t'es en bas, les tribunes n'étant pas très pentues, t'as le champ de vision qui est un peu à ras la truc et tu vois pas. Je te promets, monte à l'étage jeudi, fais juste un tour à l'escalier, à l'étage, là, escalier 24, je te promets, tu vas voir des taches marron, mais c'est pas une blague. C'est pas du niveau de Nantes ou de Lorient. Hein. Mais quand même, elle est loin d'être aussi magnifique que ça. Okay. Et donc le bid. Et donc alors le résultat. Alors Koundé avec 27%. La pelouse 4% et la climatisation de Paris Match qui remporte ce sondage avec 69%. Et sur le Bonderol, et puis après on a un autre auditeur derrière. Le Bonderol, alors on avait mis 4 possibilités, Camano, Kalou, Palencia et Tchouaméni. Alors bah Camano arrive en tête avec 59%, Kalou 36% et Palencia 4% et Tchouaméni 1%. Logique, les gens pour une fois sont logiques. Aurélien, je suis désolé, on a un autre auditeur juste derrière toi. Y'a pas de soucis, courage les mecs. Merci à toi, et puis bah écoute, t'es le bienvenu quand tu veux dans l'émission, on te raccueille avec grand plaisir. Merci à vous. Merci Aurélien. Ciao. Allez, on va enchaîner, hop là, de suite. Si Adrien s'est pas trompé, voilà. Adrien n'est pas habitué à faire ça. Il m'a fait flipper 5 minutes quand même. Prends ta place au micro, on va accueillir un nouvel auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Lamine. Ah, Lamine. Oui, bonsoir, Lamine. Ah oui, tu nous as appelé déjà la semaine dernière. Oui, je vous ai appelé. Je n'ai pas pu vous appeler parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Comment ça va, Lamine? Bon anniversaire à ton fils. Quel âge il a? Dis-nous tout. Il a 6 ans. Ah, c'est vrai, c'est un grand. Voilà. Bah, tu vas l'amener au stade alors bientôt? Oui, il est fait à Bruges. Oh, ça va, c'est pas loin. Un petit coup de tramway. Ouais. Hop, t'es arrivé. Ouais. Oh, Lamine, ce match de Monaco, qu'est-ce que t'en as pensé? Oui. Ça t'a plu? Ils nous ont guéri. Franchement, on était malades. Ils nous ont donné des bonnes aspirines. Là, on a eu tous mal à la tête après les défaites. Mm. Et ça se voit que le patron de la défense est revenu, M. Pablo. Il nous a fait du bien. Parce que quand il n'est pas là statiquement, on n'a rien fait de bon. Oui. Voilà. C'est sur l'erreur de comment il s'appelle le jeune Koundé. Voilà, Koundé. On ne peut pas l'incriminer. Certes, il a fait l'erreur, mais c'est un mal pour un bien. Ça les a peut-être réveillés. Ils étaient en train de s'endormir. C'est vrai que je te rejoins sur ce point. Ils commençaient à se fatiguer et ça relançait déjà de un, ça relançait les supporters et ça relançait les joueurs aussi. Et même Koundé. Voilà, ça relance les joueurs. Et ce que je voulais vraiment comprendre, qui c'est qui entraîne franchement M. Costil? Qui c'est qui l'entraîne? Moi, M. Costil, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas les bases du football. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher sur ce match? Ce que je peux lui reprocher, moi, je suis gardien de but, je vais vous dire quelque chose. Un gardien de but sort de sa ligne quand il y a un face à face. Là, il est sorti, il a fait 3 mètres, il est sorti, alors que Koundé essaie de rattraper son erreur, il restait tranquille sur sa ligne de but, il avait le ballon, une claquette au-dessus. Comme il est avancé, il se fait lober. Alors, les gens, ils disent, ouais, il ne peut rien, on met tout sur le dos de Koundé. Mais là, moi, je ne te rejoins pas vraiment sur ce cas. Pourquoi vous ne me rejoignez pas? Parce que même si, alors tu vois, je peux concevoir, tu vois, que tu trouves que c'est une erreur de Costil aussi. C'est vrai que la frappe, je vois la frappe, c'est vrai qu'elle est positive, il peut essayer de l'attraper. Après, c'est clair que Koundé, cette occasion, tout le monde était, le bloc était déjà remonté. Costil était à moitié déjà remonté et tout, donc c'est un peu bizarre de directement se replacer. Il devait reculer, il a avancé, il devait reculer. En Coupe d'Europe, il y a encore miraculeux, il était avancé, il a failli se faire lever du bout des doigts, il a sorti le ballon. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, d'accord, Lamine, mais là quand même, moi je veux bien qu'on ait plus d'affection pour un joueur que pour un autre. Salut Marc. Salut, ça va? Fini, je veux pas couper l'auditeur, je réagirai après. Ah bah non, je m'en suis chargé, t'inquiète pas. Non, l'ami, je disais, je veux bien qu'on... Bon voilà, mais enfin quand même, je peux pas... Moi je comprends pas que sur ce but-là, je vois pas en quoi Costil il est responsable de quoi que ce soit. Genre Koundé, il a pas à se louper, il doit taper loin devant. Oui, ou, voilà, je suis d'accord avec vous. Mais bon, cette erreur, moi je crois que c'est l'erreur qui est la bienvenue pour Koundé. Malheureusement, on a gagné le match. Parce que là, si on perdait, ça lui restait sur sa tête. Parce que vu qu'on a deux défaites, qu'on devait gagner pour avoir des points, c'est une erreur qui est bienvenue pour lui. Disons que pour lui, moralement, ça aura peut-être moins d'impact, que tu as raison, que si on avait perdu le match sur ce genre de trucs. Ça l'a peut-être réveillé, même dans le match. Il fait, derrière son erreur, il met plus d'impact, il fait même de bonnes relances derrière. Oui. Comme il fait un début de saison assez moyen, peut-être qu'avec cette Non, je dis pas que c'est moyen. Il n'a pas fait un début de saison moyen. Il est meilleur que Paul Bey. Oui, mais ça veut pas dire que Bey avait fait un bon début de saison. Ah, mais qui c'est qui l'a mené? C'est Gourvenet. Oui. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? C'est Gourvenet. Quand le jeune il a pris la place, l'équipe a commencé à bien jouer avec Pablo. La défense a changé. Mais c'est Koundé était lancé par Gourvenec aussi. Voilà, et oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi je vous dis, on a deux recrues qui ont réveillé certains joueurs. Et si vous regardez bien, même des Préville qu'on critique, si vous regardez quand il est rentré des Préville, il se donne à fond. Ah, moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne le petit quart d'heure qu'il a joué ou 20 minutes. Une bonne entrée dans les 30 derniers mètres. Tiens, voilà. Petit quart d'heure, ouais, moi je l'ai trouvé bien. Il s'est peut-être remis un peu en confiance aussi. Voilà, il place une frappe. Alors certes, il place pas la frappe de l'année, mais il place une frappe qui est cadrée, il est applaudi par le public, voilà, qui l'encourage. C'est avec des actions comme ça, je pense, qu'il va se remettre les idées à l'endroit. Voilà, moi je pense que ce gars, il ne faut pas le critiquer. Maintenant, moi je pense que je crois qu'il a vu comment Kalou se bat, comment Kalou il va chercher les ballons. Et comment, en fin de compte, Kalou il a réveillé tout le monde. Alors lui, comment il se bat, les autres ont suivi l'exemple. Sur l'action où il met la frappe sur le poteau, là, où François Camano est hors jeu, il va pas jouer le ballon à juste titre puisqu'il est hors jeu, ben lui, il y va, quoi. Il y va à la course, il grille la priorité à son défenseur. Bon, alors après, manque de peau, il tape le poteau, mais je veux dire, ça prouve son, comment dire, voilà, c'est un garçon qui est très rapide. Et puis, ben voilà, il lâche pas là où certains peut-être, le ballon il est loin. Ça donne envie de jouer au ballon avec un type comme ça. Avec un type comme ça. Moi, ce que j'attends, moi, au Giron de Bordeaux, on dit qu'on cherche un attaquant. Mais l'attaquant, le joker qu'on a, c'est Alexandre Mendy. Alors, le petit Mendy, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que prévu parce qu'il devait revenir, en théorie, il aurait même déjà dû être de retour. Apparemment, il y a eu des petites complications au niveau de son genou. Ça va être plus compliqué que prévu. Mendy, même si il revient sur les terrains d'entraînement à la fin du mois ou à la fin de. Enfin, ou en septembre. Dans tous les cas, il sera pas prêt avant deux mois, ça faut se le dire. Il a eu des croisés, donc il va pas se remettre dessus. C'est vraiment dommage parce que moi, je pense comme Lamine que c'est un garçon qui pourrait nous apporter vraiment beaucoup devant. Et malheureusement, sa saison va être plus que tronquée. Enfin, s'il en joue un tiers, ça sera déjà un miracle. S'il joue, on va dire, les 10 derniers matchs, ça sera déjà beau. Malheureusement, c'est un garçon, je pense, qui va manquer pour Bordeaux dans cette saison. Marco, t'as pas... Oui, je suis désolé. Ah, attends, si je comprends pas ton micro. Voilà. Ouais, non, je suis désolé. Mais c'est non, pas grave. Je vais juste dire quand même ce qui s'est passé. Le boulot, c'est le boulot. Non, le boulot, non, c'est je pas sais pourquoi t'as appelé. Je sais pourquoi tu téléphonais. Ah bon? Oui, parce que évidemment. Oui, mais bon, les auditeurs, c'est peut-être pas. Donc, je suis intervenu tout à l'heure dans Team Dugas, un petit peu énervé, remonté. Mais on en avait parlé la dernière fois dans GA. En mode rageux, en mode énervé. Non, la première partie était très bien. Non, mais on avait parlé. Non, mais c'est quelque chose qui m'énervait de base, qui a vite explosé. Et ben écoute, Dugarry a rappelé après l'émission. Donc déjà, je trouve que c'est top. Et puis on a parlé. Christophe Dugarry lui-même. Ouais. Ah, c'est top. On a parlé pendant 25 minutes, calmement tous les deux. Je pense qu'on a plus. Et donc tu peux nous annoncer qu'il vient dans l'émission. Non, du tout. On parlait pas de ça. On a pu échanger pendant 25 minutes. Chacun a pu dire ce qu'il avait sur le cœur aussi. Et c'était très enrichissant. Et ben donc félicitations à lui de prendre le temps de rappeler. Et de continuer l'échange, parce que si j'aurais pu rester enfermé derrière Paris, enfin j'étais personne. Et il a raccroché quand tu l'as traité de... Non. Non, du tout. C'est expliqué surtout. Et moi je dis bravo monsieur, parce que c'est... Et qu'est-ce que ça prouve, ça marque? Ça prouve qu'il est très attaché à ce que... Déjà à Bordeaux et à ce que pensent surtout les supporters de Bordeaux et surtout de ce qu'il peut peut-être lui dire sur le club. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète, parce que s'il en avait rien à foutre, il t'aurait pas rappelé pour discuter. C'est exactement ça. Et il faut, je pense, avoir un petit peu de quoi, j'avoir regardé dans la glace quand on fait ce genre d'action. Donc, ben voilà, comme je suis capable de dire que j'ai pas du tout apprécié les mots qu'il avait poussés, je suis capable de dire que là, je suis surpris et agréablement surpris. Et qu'il est le futur coach de Girondins. Tout finit par. Ah ouais, t'imagines? Non, mais même tout finit par se régler, c'est bien. Il est hors de question qu'il prenne ce genre de rôle parce qu'il. Mais ceci dit, de lui, ça m'étonne pas parce qu'il a jamais eu peur de parler avec qui que ce soit ou de. Non, mais c'est. Parce qu'il t'a quand même pas épargné non plus. Mais bien sûr, mais voilà. Mais non, mais voilà, il a. Et toi, t'es qui? Et toi, t'es qui pour dire ça? Putain, c'est vraiment du rêve. Il a été très bon. Non, mais il a, voilà, c'est bien qu'on puisse en parler. Faut que je réécoute le podcast. Ah ouais, il fait, mais c'est bon, il dit, Marc, il a 29 ans, il est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Et moi, je dis juste avant qu'il a passé plus de temps à marcher qu'à courir. Voilà, voilà. Bon, on repart sur nos chevaux. Puisque vous parlez de Monaco, on peut d'ailleurs vous annoncer que notre invité, sans vous dévoiler son nom, 21h normalement. Dévoilé, si on ouais, dévoilé, ah, ben donc on peut le dire. Donc à 21h, nous aurons. Aloudiara au téléphone. Et vous vous rendez compte, on a fait un teaser, enfin on a teasé son nom cet après-midi. Bon, il y avait un petit doute à la fin s'il venait ou pas. Mais on a teasé en mettant 11 ans après sa venue, il revient. Et tout le monde a paniqué. Il y en a même qui ont sorti Ricardo en disant « Ah, oh, Ricardo revient !» Ah oui, par rapport au coach. Ah ça, oui. C'était très bon mais base, ça. Mais sauf que Ricardo, il y avait que Laurent Blanc qui pouvait revenir, et c'est tout. Mais très bon base, j'aime beaucoup. Non, mais il y en a, ils ont vraiment eu peur. On reconcentre un petit peu sur le match avec Lamine, s'il vous plaît. Oui, donc Marc, donc sur le match, parce qu'à la base, on était parti sur ça, quand même. Oui, sur le match, moi, je pense qu'il nous manque un 10, un vrai 10, ou quoi, qui... Alors c'est un poste qui est peut-être en ce moment recherché en plus d'un attaquant, un milieu créateur, c'est potentiellement une cible et niveau en parlant de ça. Alors il y a Dabia Atabi de Foot Mercato qui annonce que Yacine Benzia a été contacté par les Girondins et que l'offre demandée par enfin la somme demandée par Lille serait avoisinerait les 10 millions quoi entre 10 et les 15 millions. 10 millions pour Yacine Benzia, 15 millions c'est... mais son barrage. Non mais je veux bien que Lille ait besoin de pognon, mais enfin 15 millions pour Yacine Benzia, mais autant moi je suis Bordeaux, mais je leur... Non mais c'est... Alors, mais franchement, moi je leur ris à la tronche. Quoique ça peut être un Ben Arfabis, hein, le mec qui vient dans un club, bon, qui casse tout. Et... Autant prendre Sliti, franchement. Enfin bon, ouais, bref, mais moi c'est Benzia. Oui, Benzia, c'est pas un neuf, on cherche un neuf, quelqu'un qui... Non, mais Benzia pour le mettre en 10, pas en 9. Hein? Benzia pour le mettre en 10, pas en 9. Ah ben, les 10, on en avait, mais lui, vous croyez qu'il va... Moi, je crois pas trop. Non, franchement, plus 15 millions sur Benzia, c'est 10, quand même... 15 millions, ouais, c'est... Pourquoi on va pas recruter en Ligue 2? Il y a des bons joueurs en Ligue 2. Je suis complètement d'accord. Je trouve qu'on s'intéresse pas assez à ce championnat qui... la dernière qu'on a pris, c'est Palois, et qu'on... Jusqu'à preuve du contraire, c'était pas une mauvaise chose d'avoir pris Nicolas Palois en Ligue 2. Je trouve qu'on s'intéresse pas assez à la Ligue 2, au détriment peut-être des fois d'aller chercher des Brésiliens, machin, tout ça. Je me dis des fois, regardons la Ligue 1, la Ligue 2, il y a des bons petits joueurs. Alors après, c'est un risque à prendre aussi, mais ouais, pourquoi pas. Moi, je suis pas spécialement contre. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu parlais du match, peut-être. Oui, je parlais du match. Mais j'ai perdu le fil en fait. Si tu veux, je te donne mon avis. Oui, donne ton avis, voilà, tout à fait. Et on peut s'agir aussi. On peut mettre Youssouf sur le côté de Kalou et mettre Kalou dans l'axe derrière l'attaquant, derrière Jimmy Bruyère. Ça va le faire. Moi, je mettrais plus Youssouf en 10, tu vois. J'ai du mal avec ces choix-là. Je le dis, le redis. Non, mais pour moi, là, pour jouer ça, quand vous voulez jouer en 4-5-2, moi, en Kamano et Wendel, c'est pas les mêmes joueurs. Pour reprendre des exemples bordelais, c'est pas des milieux, c'est des attaquants qu'on a. Et autant on peut transformer un attaquant en ailier, autant un ailier en milieu, j'ai toujours du mal. Ne serait-ce que sur leur effort défensif. Juste pour revenir au match, puisque c'est de ça que vous parliez au début, c'est inexplicable. C'est totalement inexplicable. Très heureux de m'être autant planté dans une analyse d'avant-match. Mais le mec, il me dit qu'il avait prévu. Il ment. Il ment dans le sens où Bordeaux... J'avais pas prévu, je t'avais dit. Pourquoi on pourrait pas les battre? Oui, pourquoi on pourrait pas le battre? Je te demandais pourquoi on les battrait, surtout. Donc, sur le contenu, on a vu des choses très intéressantes qui vont être à confirmer. J'ai surtout pas envie de m'enflammer parce que ce genre de prestations là, Bordeaux, on sait les faire et on les refera. Elle me fait un peu penser au Bordeaux-Lyon de l'an dernier, qui avait lieu fin janvier, début février. J'ai plus la date en tête, mais c'était le même contenu. Et des fois, tes joueurs marchent un peu sur l'eau. Là, c'était le cas, c'était les mêmes choses. Alors, il y a des choses que j'ai envie de retenir sur ce match-là, c'est plutôt que Koundé, il fait une erreur, et une fois qu'il a fait l'erreur, il est encore meilleur. C'est-à-dire que le mec, dans sa tête, psychologiquement, c'est prêt pour être un professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que t'en as déjà, quand ils se ratent, ils sont au fond du trou et tu les vois plus, ils disparaissent après. Donc sur ce point-là, je trouve que c'est quand même quelque chose de garant et quelque chose de plutôt positif. Voilà. Après, on regarde Kalou, c'est un bon match. Palencia, c'est pareil. Voilà. Après, on manque encore d'un neuf capable de jouer de haut but. Plasil, le Rager, sur la durée, ça ne pourra pas le faire parce qu'à un moment ils vont être cramés. Ils vont exploser sur tout ça. Surtout qu'ils n'ont pas été énormes. Donc avec un milieu qui a été, on va dire, plutôt moyen dans l'ensemble, je trouvais Pablo très bon. C'est ton attaque et surtout c'est tes ailiers qui t'ont fait briller. Ok, ça sera pas toujours comme ça et on tombera pas toujours contre une équipe qui nous laissera autant de possibilités de briller. Donc attention. Je sais pas si Adrien a d'autres choses à rajouter puisqu'on va avoir un autre. On a un autre auditeur derrière. Dans quelques instants, oui. Lamine, quelque chose pour conclure. Oui, conclure. Moi, je pense que les attaquants, on n'a pas besoin puisque si on a des ailiers là qui font des centres. Là, on a besoin d'attaquants. Mais oui, c'est vrai, c'est pas faux. Comme ils veulent tous marquer chacun un but, donc nos attaquants, ils marqueront pas. Ah, mais moi, ça me va bien. Hein, si t'en as trois qui marquent par match et que c'est trois mecs différents à chaque fois, moi, je prends. Hein. Non. Déjà, il faut qu'ils jouent sur leur bon pied pour faire des bons centres. Parce que si tu mets un droitier, tu le mets à gauche, comment voulez-vous qu'ils centrent? Ça, c'est le foot moderne. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. Ça, après, c'est des choix. Et tu regardes Kalou, il a fait descendre tout le match. Hein. Oui, mais c'est pas ça. On dit, c'est des attaquants, Kalou Kamano, en fin de compte, le football, il a évolué. Ils ont changé les règles. Par exemple, Kalou, c'est pas un attaquant, c'est un milieu offensif, à la fois défensif. Kamano, c'est pareil. Ces deux-là, ils devaient aider Pungé, ou l'autre, il va aider Palencia. Il faut qu'ils fassent le couloir, aller-retour, à défendre que ce côté. Oui, il va falloir de toute façon, parce que Max Pungé est pas, alors est certes très rapide, mais c'est pas non plus un défenseur top niveau. Non, c'est pas ça. Les deux joueurs, il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils parlent entre eux. Si, par exemple, Pungé prend le ballon, il faut pas que Kamano monte. Il faut qu'il reste un peu en retrait, au cas où. Et que l'autre côté, Kalou, il faut qu'il aille dans la surface parce que Pungé, il va centrer. Et que le milieu défensif, il y en a un des deux qui vont au point de pénalty qui monte. Il faut pas que les deux, ils montent. Ben, comme le fait Sankaré un petit peu, de temps en temps, quand il dans sa période buteur. Là, mais ça, on le voit pas. Mais merci beaucoup, Lamine. On a d'autres merci auditeurs derrière toi qui patientent, donc je suis désolé de décourter un petit peu. Mais merci, Lamine. C'est un plaisir à chaque fois. Ciao. À bientôt, Lamine. Ciao. On va enchaîner. Bim. Oui, on va enchaîner. Enchaîne, Arsène. Hop là. Voilà, on va avoir Ah merde, attends, j'ai fait une connerie. Ah. Je suis désolé. Non, mais toi, normalement, c'est bon. C'est moi, juste moi qui est. C'est rien, c'est la technique. Tranquille. On va avoir Greg au téléphone. Il a vu un beau match. Une bien meilleure équipe girondine que vous face à Strasbourg. Salut, Greg. Bonsoir, Greg. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Merci à toi de passer un petit moment pendant cet après-match avec nous, pendant cette émission. Donc toi, je pense que t'es quand même content de ce que t'as vu hier. Ouais, alors j'ai vu la télé. J'ai pas vu au stade, j'étais à la télé en région parisienne, mais j'étais plutôt satisfait du match. Je pense qu'ils ont montré un bien meilleur visage, en tout cas par rapport à Strasbourg. J'ai pas pu voir le match en Coupe d'Europe, un match aller. Oui, t'as rien raté. Ouais, t'as bien fait. D'après ce qu'on a dit, ouais, ça devrait être mieux jeudi. Mais je trouve que voilà, ils ont été concentrés, appliqués. Le problème de cette équipe, c'est que souvent ils font ça et il y a 2-3 matchs derrière qui vont être moyens. Donc j'aimerais que Bordeaux ça joue comme ça un peu tous les week-ends. Alors c'est vrai que Monaco, c'est pas l'AS Monaco qu'on a connu. Il y a peut-être un an ou deux, c'était quand même une équipe un peu plus forte techniquement, un petit peu plus forte même au niveau offensif, même défensif. Je trouvais que cette équipe monégasque quand même au niveau défensif c'était moins bonne. Mais nous on a été très bons aussi. Je trouve que devant le duo Kalou Kamanou, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est vraiment pas mal. Hein, ça a pas mal permuté en plus. Ils alternaient un coup à droite certains. Enfin j'ai vu Kamanou 2-3 fois côté droit alterner un petit peu avec Kalou. Ouais. C'était assez intéressant. C'est vrai. Et puis j'ai trouvé que Briand était plus disponible que Poulet par exemple Despréville. Bon, c'est vrai qu'on Brian, il a 33 ans aussi, donc il a été souvent blessé. Je crois qu'il a eu une préparation un peu bancale où il est parti, je crois, au Canada, il revient. Je pense que oui, ça a été intéressant, cette triplette devant. Après, moi, c'est au milieu où j'ai un peu de mal, où je trouve que je peux pas taper sur Chamini parce que je trouve que c'est un vrai potentiel. Et puis vu ses stats, apparemment, c'est pas mauvais dans le match. Mais Noraguer et Plasi, je conteste un petit peu parce que bon, bah, Plasi, c'est vieux, hein, c'est vieillissant, donc et ça fait quand même pas mal d'erreurs. Noraguer, ça récupère le ballon, mais ça perd très vite le ballon derrière aussi. Ça fait des efforts un peu pour rien, ça fait le pressing, ça exerce un pressing un peu seul et derrière, ça fait beaucoup d'énergie, mais il oublie de défendre, je trouve, parfois. Voilà, derrière, je pense que c'est très solide aussi. Moi, j'aime beaucoup, alors peut-être que ça va pas plaire à certains supporters bordel, mais j'aime beaucoup Max Pounjé, je trouve qu'il est... franchement il est intéressant parce que c'est un garçon qui se bat et puis défensivement il a vachement progressé, même là offensivement on a vu que à la 93e il a fait des efforts pour faire la passe d'est, donc mais surtout, on l'a vu sur tout le match, Grand Cyr qui est vraiment l'élément perturbateur du côté monégasque au niveau du jeu. On l'a pas vu toute la première mi-temps. Pounjé l'a bloqué toute la première mi-temps. Oui, je crois qu'à un moment donné, ils ont été obligés de permuter avec Ronnie Lopez, parce qu'il était, je pense, un peu en difficulté un peu avec lui, où Pounjé vraiment mettait de l'agressivité. Après, j'aimerais le retour de Youssouf Sabali, je pense que vous êtes d'accord avec moi, même si Palencia est un très bon joueur, il a montré vraiment des choses intéressantes. Ça va être sympa, cette petite concurrence. Moi, franchement, moi, honnêtement, tu me laisses le choix. Déjà, Sabali, il va falloir qu'il revienne, mais je pense qu'il va falloir, il aura pas sa place de titulaire. Voilà. Je pense qu'il va falloir qu'il bataille, parce que si Palencia continue à progresser et à faire des matchs comme il fait, honnêtement, Sabali, il sera bon pour aller côté gauche, parce que franchement, Et même côté gauche, c'est pas encore gratté, sa place. Hein. Mais est-ce qu'il y a un droitier comme ça, côté gauche, alors que ça, bon, il a peut-être joué, je crois, à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, il a fait ça, ouais. Ouais, est-ce que c'est bien d'avoir un centreur vraiment gaucher, un centreur droitier de l'autre côté, même si c'est vrai que Palencia, Kalou et Camano ont mangé un peu trop le ballon des fois, par moments où ils faisaient des appels un peu pour rien des fois, malheureusement, les latéraux, mais je trouve que vraiment c'était intéressant, et puis derrière, tu touches pas à Pablo et Koundé, quoi, parce que c'est vraiment solide. Mais surtout, j'ai envie de dire, même si pour moi Koundé ne fait pas non plus un super début de saison, surtout Pablo, je trouve qu'il est indéboulonnable depuis ce début de saison, c'est vraiment lui le pilier de notre défense. Ouais, et puis les transversales, les ouvertures, je pense que c'est intéressant, parce que quand t'as des joueurs de côté qui vont provoquer comme ça, je pense que c'est un atout, une force pour Bordeaux cette année d'avoir des joueurs comme ça. Bon, c'est vrai que Koundé fait pas un meilleur début de saison que l'année dernière par exemple, mais bon, il casse des lignes quand il prend le ballon dans nos pieds comme ça. On sent vraiment que c'est un joueur qui est rassurant derrière. On a eu comme des défenseurs centraux auparavant qui étaient un peu catastrophiques. Hein. On a c'est les ça. Moi j'aligne moi les choux que Jovanovic pour s'en débarrasser, c'est pas possible. C'est clair que ça la question reste. Jovanovic pour l'instant, il a pas joué une seule fois encore. Donc, après moi pour revenir à ce que tu disais sur Sabali sur le côté gauche. Alors je trouve ça. Enfin j'ai beaucoup suivi le Sénégal pendant la Coupe du Monde. Bref, je vais pas expliquer non pas raconter ma vie. Mais j'ai beaucoup suivi le Sénégal et Sabali a été très intéressant. Mais après, je me pose la question, est-ce qu'à Bordeaux, il va pouvoir jouer à ce côté gauche, sachant que Camano est l'ailier gauche. Et Camano, il repique énormément. Et du coup, le poste de latéral gauche est le poste, en fait, qui va t'apporter des centres. On l'a vu avec Pounjé, et encore, il n'est pas servi énormément. Mais Sabali, je le vois mal centré que du gauche. Enfin, s'il revient dans l'axe, alors qu'il y a déjà Camano dans l'axe, va y avoir un embouteillage, donc il va falloir qu'il y en ait deux qui changent de tête de jeu. À Evian, il a joué 2 ans à gauche. Oui, mais il avait pas un joueur comme Camano devant. Je pense qu'il est habitué à centrer du gauche. Il avait fait des bons centres en plus à la Coupe du Monde. Donc, disait que c'est un joueur qui pouvait mettre à droite comme à gauche, donc que c'était un joueur polyvalent là-dessus. Donc, après, défensivement, c'est clair que c'est beaucoup plus intéressant que Maxime Pounjé. Mais il n'est pas revenu, c'est sûr. Il n'est pas revenu, donc c'est vrai que pour c'est pas faire. On a évoqué le milieu de terrain tout à l'heure en parlant de Plasil de Rigueur. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est le petit Tchouaméni. Et sachez que le petit Aurélien Tchouaméni, une bonne nouvelle après la victoire, c'est un bon lundi pour lui, puisqu'il a été, pour la première fois de sa carrière, convoqué dans la liste des 22 joueurs de l'équipe de France U19 qui disputera 3 matchs amicaux dans les prochains jours, c'est-à-dire en Slovénie le 4, en Croatie le 6 et face à l'Inde. Alors ça sera sûrement en France, je pense pas qu'ils vont aller en Inde. Le 9, Donc voilà, il est présélectionné dans la liste des 22 pour participer à ces trois matchs amicaux avec les U19. C'est mérité. C'est mérité. Ouais. Même ouais. si, alors bon, c'est toujours pareil. On parle d'un joueur. Il y a, Du beau petit monde quand même hein, quand tu vois les jeunes des clubs. Je t'avoue que j'en connais pas un seul là, mais. Ouais, bah pourtant, ouais, il y a quand même des bons petits joueurs. Après, Tchouaméni, il le montre depuis quelques temps, il mérite. Il y a Piccolo, Philippe Pono, Louis X, Gomez, on dirait des noms de joueurs PES quand ils n'avaient pas les licences. Là. Kakere, Zagre, Nsakala. Ah si, Nsakala, je connais, il est à Sochaux, voilà, c'est ça. Nkunku, ah bah si, il y a Nkunku quand même. Ah non, c'est Nkunku. De Marseille, c'est pas Nkunku de Paris. Parce que Nkunku déjà il est plus âgé et en plus oui. lui c'est les espoirs. Mais Tchouaméni c'est dans la lignée de, il avait déjà été convoqué en U19 non? Non je crois pas. C'est la première fois. Il y avait Jules qui avait été à Koundé qui avait été appelé et je crois que Zaïdou était pas loin mais. Tchouaméni il a même été capitaine je crois chez les jeunes au niveau. Peut-être en U17 alors ou en U je sais pas quoi mais parce qu'il est très jeune hein, n'oublions pas il a quoi 18 ans ou 10 je sais pas quel âge il a Rolien Tchouaméni. Tchouaméni oui il a 19 ans il est c'est un 2000. Voilà et se retrouver titulaire face à Monaco, alors même si, comme l'a dit, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Greg, excuse-moi. Ouais. Se trouver face à des joueurs monégasques tels, ben voilà, quand t'es confronté à Falcao, Lopez, des gens que des joueurs comme ça, à 18 ans, faut. Bah, il a un client quand même, c'est Mance. Il fait un bon match, c'est le Mance, mais on voit que sur les stats, je crois. J'ai pu voir ça sur Twitter. Les stats, c'est assez impressionnant. Et je pense qu'il a gratté beaucoup de ballons. Hein. On a vu des déviations, des ballons quand même qui récupèrent, il donne. C'est des choses qu'on voit pas vraiment beaucoup ne le rappellent pas, mais on le voit peut-être pas énormément comme on pourrait le voir. On verrait peut-être un Leraguer qui est par mieux, mais en tout cas, il a récupéré beaucoup de ballons. Moi, j'ai vu hier sur le terrain, c'est vrai que. C'est quand même c'est un sacré joueur, 19 ans, c'est quand même c'est impressionnant. Personnellement, je trouve plus. Personnellement, je trouve que. Alors après, on va pas faire une comparaison et une course entre les deux, mais je trouve qu'entre lui et Youssouf, il m'a plus convaincu de Tchouaméni pour l'instant que Zaïdou. Après avoir au fil de la saison, alors voilà. À peu près. Lui joue à peu près à son poste, alors que Zaïdou est plus 10 et on le met sur un côté. Mais bon. Est-ce qu'on pourrait pas essayer. Je crois que Youssouf, son poste de base, je crois que c'est dans l'axe. Hein, oui, c'est ça. 8. C'est ça. Donc essayer les deux, moi à un moment donné j'étais un peu agacé devant la télé, hein. J'étais un peu agacé de voir le Raguer. Alors voilà, c'est des choses des fois, bon, c'est vrai qu'il se bat, il a perdu du rythme au fil du match. Mais est-ce qu'à un moment donné on se faisait un peu bouffer par Tillmans? Il y a eu une période à un moment donné au milieu de terrain où c'était un peu dur pour Plasil et le Raguer, je trouvais. Après le petit Tchouaméni, bien sûr, il est dans l'eau, mais bon, c'est un jeune joueur. Il manque d'expérience, mais peut-être voir un Youssouf peut-être au milieu avec son agressivité, avec sa complémentarité, je pense aussi avec Tchouaméni, ça aurait peut-être été pas mal, mais bon, après c'est des jeunes, donc l'expérience ça fait que aussi voilà, son déplacement, c'est peut-être intéressant d'avoir des Oranguer et Tazi, mais. Ouais, c'est surtout un choix de Budway pour faire tourner. Voilà, non, pas que, mais surtout pour protéger l'équipe, quoi, l'effectif, de mettre des joueurs comme Plasil et Leraguer. Après, c'est clair que, comme on le disait hier dans l'émission, au fur et à mesure du match, quand on avait des petits coups de mou, en fait, c'est les moments où on a vu Leraguer et Plasil dans le mal. Physiquement, ils tenaient moins. Clairement, quand ils étaient au top, on a vu le pressing qu'on a fait au début du match et en début de seconde mi-temps, ils ont été vraiment intéressants. Alors les enfants, ce que je vous propose, puisque on a du coup, si je calcule bien, nous aurons notre invité à Aloudira de 9h à 9h15. Faudrait qu'on se garde quand même un quart d'heure pour parler jusqu'à la fin de l'émission de ce qui se passe avec les entraîneurs, tout ça. Donc est-ce qu'on finit pas là jusqu'à 9h en parlant de la Gantoise, quand on en place un mot 10 minutes? Si. Il y a un espèce de truc, mon gars, qui est rentré dans le studio. C'est un papillon, c'est quoi? Ah, je crois que c'était un. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Greg? Je crois que c'était un frelon asiatique, mon gars. Non. Non, bah écoute, moi je pense que déjà la place à 5€, malheureusement, je suis pas sur Bordeaux, mais j'aurais été volontaire avec mon père. Et je pense que j'aurais été un des premiers supporters, mais. Ah, il faut leur rentrer dedans, il faut allumer la mèche, je pense qu'il faut essayer de montrer que voilà, il y a l'histoire de Vidéoton, il faut effacer. Est-ce que aussi voilà, la place aux 5€, ça annonce pas un événement que tout le monde attend depuis des semaines et des semaines où on est tous sur les réseaux sociaux et internet pour voir qui sera le prochain entraîneur. C'est un coup de com' aussi. Mais bon, voilà, en tout cas, il y aura du monde, mais je pense que voilà, il faut qu'il rentre, faut qu'ils rentrent dans le match, qu'on soit pas timide, hein, qu'on y aille. Et puis je pense qu'entre Monaco et Vantoise, voilà, il y a un écart et il faut faire le même genre de match, si ce n'est un peu plus. Parce que en face, c'est quand même une équipe qui aura aussi envie de se qualifier. Oui. Et qui sait qu'en marquant un but, elle peut te mettre un petit peu le voilà, elle peut te mettre un petit peu le high, quoi. Si on fait le même match aller que contre Vidéoton où on avait gagné 2-1, ça va, hein, ça passe. Tu joues pas contre Vidéoton, c'était il y a un an, deux ans. Vidéoton, ils sont en barrage de Ligue des Champions. Non, par contre, là où je rejoins Greg, à un moment donné, faut arrêter de faire des calculs et de réfléchir. C'est ton sixième match sur les six qu'il fallait pour que tu sois qualifié. T'en as gagné quatre. T'as fait un nul. À un moment donné, allez, faut là, c'est t'oublies le beau jeu, t'oublies tout. Tu rentres. Ouais, faut y aller. Tu leur marches dessus. Ouais. Tout ce que tu dois faire, c'est gagner. Allez, tu te dis même pas genre on tient zéro. Non, tu dois leur marcher dessus. Tu dois gagner. Je dis pas leur en mettre six. C'est ce qui s'est passé en 96. Hein. On a fait le Bordeaux-Milan. Bon, on avait quand même des super meilleurs joueurs. Quand le championnat n'était pas meilleur. Mais on n'a pas cherché à comprendre. Non, mais encore sur les premiers tours, Venpils, machin, tu dis, oh la vache, la route, elle va être longue, il y a encore 5 matchs, 4 matchs, 3 matchs. Là, c'est le dernier. Dans un stade plein. Qui va être chaud bouillant. Et il faut compter sur le speaker pour le mettre chaud bouillant. Eric, il m'a dit, Eric, tu nous as appelé, tu as laissé un message. Au stade, il n'y a pas de Saint-Valentin, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de machin, il y a Bordeaux-Ghent. Attends, il y a place à 5 euros. Franchement, le gars qui me dit qu'il n'est pas venu à Genk parce que les places étaient chères, 5 euros est gratuit pour les abonnés, les enfants, je suis désolé. Non, mais il y a encore plus d'offres. Il n'y a pas d'excuses. Il y a même des offres avec des partenaires. Ça veut dire, je crois que si vous allez manger au bistrot du Régent, vous gagnez une place. Enfin voilà, le stade risque d'être plein. Non, il n'y a pas de. C'est quoi, il ne sera pas plein, il sera à 30 000 max. Non, à part sur la billetterie, les deux côtés, ça veut dire que les deux plus grandes tribunes sont déjà pleines. Et à noter aussi, donc on va voir Lou Diarra dans quelques minutes, on a mis un post que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, n'hésitez pas à mettre vos questions en dessous du post, on essaiera de poser certaines questions en direct. Oui, si vous en avez évidemment. Tiens Greg, tant qu'on y est, tiens, si t'as une question à poser à Lou Diarra. Une question à poser à Lou Diarra. On la relaiera, on la relaiera pour toi. Elle lui demande pas un truc improbable qu'on sait qu'il nous dira pas, voilà. Ouais, la question, c'était ma question. La question improbable, c'est comme tu connais Thierry Henry, tu peux nous le dire. Une question, je sais pas, est-ce qu'il compte. Il est entraîneur des U19 à Lens maintenant, depuis quelques jours. Il compte entraîner un jour au club, pourquoi pas chez les jeunes, comme vous dites là, ça peut être intéressant. Lou Diarra, ça a été un super joueur, donc c'est évidemment une question à lui poser, son club préféré. Voilà, c'est ton club préféré, je pense qu'il va peut-être répondre lui en même Bordeaux. Ou il répondra Lens ou Marseille, ou parce qu'il en a fait des Marseille, fait, Marseille non, je dirais Marseille. Mais on sait qu'il est. Il en a fait un paquet. Et on sait qu'il est très attaché au club, donc très attaché aux Girondins, et puis bon, c'était la belle époque, donc il a toujours été exemplaire. La belle époque. Et c'est toujours pareil, hein. C'est juste revenir sur Yaroslav Plazil, on va pas rester éternellement avec lui au milieu, donc s'il cherche un milieu créateur, mais qu'on aurait peut-être besoin. Donc, voilà, je pense que Plazil, de toute façon, il va finir au club, et je pense qu'il devait même peut-être pas continuer, on l'a juste pas forcé, mais on lui a dit un peu, est-ce que tu peux rester, faire dépanner encore une année, tu vois, je pense que c'est plutôt ça. Bien sûr, bon, c'est un garçon qui est sérieux, c'est le bedouin du terrain en fait. Ouais. C'est ça. Ils vont peut-être tirer trop sur la fenêtre d'alarme, à un moment donné on risque de le perdre, son blessure, ou quelque chose. Donc si Lou Diarra veut rechausser les crampons, il n'y a pas de problème. Hein. Lou Diarra, je viens de voir les stats, mine de rien, Bordeaux c'est le club dans lequel il est resté le plus longtemps. Et donc fatalement c'est le club avec lequel il a joué le plus de matchs, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire 164. Merci Greg, merci beaucoup de nous avoir appelé. Je voulais juste rajouter une chose, parce que c'est très bien ce que vous faites comme mission, je trouve que vraiment c'est parfait. Il y a très peu d'émissions comme ça, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui le fassent. Moi j'ai vu qu'à Liverpool, je vais peut-être vous donner des idées, mais j'ai vu qu'à Liverpool ils faisaient avec en mode télé dans un garage avec un fauteuil, donc ça peut être pas mal. Hey, Marc, t'as pas un garage chez toi? refais, ils font quoi avec un garage et un fauteuil? Ouais, ils le font avec un canapé, un fauteuil, ouais. Ils font, il y a un mec qui va voir tous les matchs de Liverpool et après, il analyse dans son garage et c'est devenu ultra populaire, en fait. On peut le faire dans le garage à vélo de ma résidence, si vous voulez. Bon, c'est pas ouf, tu vois, mais on va voir la porte, ça peut se tenter. En tout cas, merci, Greg. Ils sont géniaux et continuez et puis allez Bordeaux, quoi. Merci, c'est gentil. Merci à toi, merci. Greg, c'est cool. Bon courage, bonne soirée. Merci, merci, bonne soirée. Ciao. Mais en même temps, là où on est dans une petite maison de charme très vétuste où avec une terrasse derrière avec un barbecue. Voilà, avec un barbecue, simple vitrage et un local prêté par une mairie 13. Et sans clim. Sans clim, on est presque dans les clous, quoi. Enfin, bon, c'est pas un garage, mais on n'a pas le grand confort, non, on déconne. On est bien. C'est déjà très bien. Ouais, oui, on est bien. C'est merci merci à la mairie de Blanquefort de donner les moyens à la radio associative de. Et moi, je vais juste passer un petit coup de cœur. Je sais pas si vous m'autorisez juste deux secondes. Non, ferme là. Ce serait pour remercier alors toutes les personnes de G33. Oui. Je voulais mettre un tweet, je pense que je le ferai dès demain. C'est pour les remercier pour tout ce qu'ils font aussi pour nous et pour et ce qu'on fait pour eux également. C'est un échange qui est plutôt pas mal. Il y a Thibaut, il y a Rico, il y a Julien. J'ai pas le nom de tous les gens. Ils sont nombreux, ils écrivent à la vitesse de la lumière. On a des brèves qui sont sorties. On sait même pas d'où elles sortent, les brèves, tellement qu'ils les retransmettent. On va pas se mentir, c'est ce qui nous aide aussi grandement à alimenter l'émission. Donc voilà, c'était juste un petit coup de cœur à leur passer. Et s'ils nous écoutent, la big up. Voilà. Big up à vous. Ouais, c'est gros. Mais tout à fait, je voilà, te rejoins sur ce coup d'œil. Rapidement, avant d'avoir Alou Diarra, il nous reste 3 minutes. Donc, un stade plein jeudi, oui. Alors, oui, il n'y aura peut-être pas 42 000 personnes, mais mine de rien, Eric l'a dit tout à l'heure, alors par le biais de la voix d'Adrien, place à 5 €, gratuit pour les abonnés. Le mec qui me dit qu'il n'a pas pu venir au match parce que c'était cher, parce qu'il faisait pas beau, parce que, enfin, toute autre raison que le boulot, garder les enfants, et puis je sais pas quoi d'autre. Non, je suis désolé, il n'y a pas d'excuse. C'est un match pour une qualif en Coupe d'Europe. Ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle et ça fait des semaines qu'on en rêve. Et ben, même si les mecs vont te dire, et pour faire quoi? Mais je m'en fous pour faire quoi. Moi, ce que je veux, c'est faire 6 matchs de poule. Inch'Allah, après, on verra ce que c'est. Vu ce qu'on a vécu hier, franchement. Voilà. Et vu ce qu'on a vécu hier, ben, je pense que la Gantoise, c'est quand même là. Allez, je vais m'utiliser des mots maintenant, largement. Oui, bah oui, je pense que c'est quand même largement à portée de fusil. Adrien, pour dire qu'il y a plein d'offres, vu que j'avais dit Bistrot Régent, mais il y a aussi Winamax. Ça veut dire, pour toute inscription, t'as 2 places offertes. C'est n'importe quoi. On pourra pas en tout cas reprocher au club de pas avoir fait ce qu'il faut pour faire venir les gens. Aussi, même si dans un premier temps, et on avait passé un coup de gueule 2 fois, une fois par Marc, une fois par Thibaut vendredi dans cette émission, de faire payer les abonnés 15 balles, et c'est vrai qu'on trouvait qui ont été remboursés pour ceux qui ont pris leur place. Bon, ça s'est remis un petit peu dans l'ordre, voilà. Alors on vous rassure de suite, c'est pas suite au coup de gueule qu'on a passé ici, hein. Je pense qu'ils ont dû s'en rendre compte eux-mêmes, ouais, personne qui allait dire. T'inquiète, ils ont vu les réservations, ils ont fait combien? Ah, et 10 000, ok, d'accord. Même arrose-moi pas, tout le monde. Ouais, j'avais l'espoir, tu vois, qu'ils changent au dernier moment, c'est ça, j'avais pas pris ma place au cas où, mais. J'aurais pu aussi ne pas avoir ma place et me faire griller par tout le monde en virage sud. Ça aurait été moins cool. Ça aurait été moins drôle pour toi, effectivement. Il s'est fait 1, 2, 3, 4. Bref, il a failli se passer la même chose pour moi. Ouais, parce en fait, j'étais en mode off, j'aurais le temps, et puis quand on s'est réveillé, on s'est dit, on va peut-être y aller, non? Donc jeudi, tous au stade, il n'y aura pas d'excuses, le stade sera plein, la Gantoise, faut qu'ils comprennent que c'est pas, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. À un moment donné, le stade sera plein, le virage sera en feu, on sera chaud bouillant, vous êtes tous derrière le virage, vous reprenez les champs, vous tapez, vous faites du bruit, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, venez gueuler, il se passera ce qui se passera, on sera éliminé peut-être, on se qualifiera, on l'espère. Mais en tout cas, il faut que, c'est dans les moments aussi comme ça, de grands flous artistiques, notamment à la direction et à la tête aussi de cette équipe, du fait que Eric Bédoué, le pauvre, il sait pas trop à quelle sauce il va être mangé. Les joueurs, ils sont pour rien. Hein. Voilà, dites-vous une chose, c'est que les joueurs, qu'on les apprécie certains, qu'on en apprécie certains ou qu'on en apprécie pas d'autres, de dire ouais, que style, machin, tout ça, eux, ils n'y sont strictement pour rien. Je trouve que ce qu'ils ont fait contre Monaco, c'est quand même très bien dans le contexte actuel. Voilà, donc faut venir pour pousser l'équipe, pour pousser les joueurs. Moi personnellement, vous le savez, si vous écoutez régulièrement cette émission et si vous êtes nouveau, ben vous allez le découvrir. Camano, c'est pas ma méga star, super joueur adoré préféré des Girondins de Bordeaux. Mais quand il est bon, je le dis. Et dimanche, il a été bon. Donc bravo à lui, je le dis. Et jeudi, je serai à fond derrière lui, même si c'est pas mon super top joueur. Voilà. Donc si vous aimez pas Depréville, si vous aimez pas Costil, si vous aimez pas machin, le Rager, on s'en fout. Venez gueuler pendant une heure et demie et puis on verra ce qui se passera à la fin. S'ils se qualifient, on sera content. S'ils se qualifient pas, eh ben on pour vous leur direz ce que vous voulez, des noms d'oiseaux, des sifflets, des machins, mais il y a aucune excuse pour ne pas venir jeudi. Voilà, ça s'appelle meublé 2 minutes. Oui. Et pam, le son de radio, non, mon gars. Non mais Camano, son début de saison est impressionnant. Ah, et toi tu rebondis direct en fait. Bah oui, pam, direct, pam. Bim bam, Camano. Vu qu'on en a pas assez parlé, je trouve. Camano au début de saison, 4 buts, 2 passes D, voilà. On est le Real de la Real de français en fait. Le Real, ils ont perdu leur Cristiano Ronaldo. Maintenant ils comptent sur Benzema, sur Bale. Ah, bah, nous on compte sur Camano, sur Kalou et Camano. Ouais, c'est le Real du Meskin. Le Real du pauvre. C'est le Real du. C'est clair. C'est le Real, c'est le leader price du foot, quoi. C'est oui, bon, ça va. Alors, on a eu Zidane aussi. C'est bien le discount. C'est bien le discount. Ah ouais, c'est leader price. Il y a tous les étudiants au discount. On fait jouer les jeunes au discount. Non, on avait plus de sondage par rapport à Genk, sur le chat. On avait après on a Genk qui a la Gantoise qui a gagné d'ailleurs 2-1. Voilà. Ce week-end. En championnat. Donc voilà, sur le match qu'on peut. Vous pensez, Marc, on t'a pas entendu sur la Gantoise? Non, je vous ai laissé parler. Tu vois comme le match allait, un peu dominé quand même, non? Non, il y a. Je sais pas, je me suis tellement planté sur mon lago que j'ai envie de faire gaffe à tout ce que je vais dire. Alors en fait, c'est la deuxième astuce. Quand vous voulez remeubler une deuxième fois, Vous donnez la parole à Marc. Voilà, c'est un meubleur. Et là, vous allez voir, tranquille. Non. 36-15, Marc. On sait quel ingrédient mettre pour faire un bon match. Après, est-ce qu'on va réussir à les mettre? C'est la grande question, c'est la grande interrogation. Le stade plein doit aider les supporters à se dépasser sur ce match-là. Les joueurs. Oui. Et les supporters. Les joueurs. C'est les joueurs, je voulais dire. Doit aider les joueurs à se dépasser. Dans tous les cas, c'est sûrement le match le plus important de ta saison. C'est le match le plus important de ta saison parce que si jamais on se fait éliminer, je sens le discours du ben non, on a remplacé Laborde par Briand, c'est bon, c'est le même effectif que l'année dernière. Notez qu'on sera en progrès par rapport à l'an dernier, on aura fait un tour de plus. Voilà. C'est le mec c'est qui ça. On sera bien. Donc déjà, il y a ce point-là. Ensuite, tu en as besoin pour ton moral. Jouer ce match-là. Le gagner, ça peut te propulser dans des bonnes dispositions avant de jouer Rennes et te permettre d'avoir la trêve internationale de façon plus simple et de permettre à l'entraîneur qui arrivera d'être dans une meilleure situation. Si jamais tu perds ton match de Monaco, on l'oublie. Et c'est ça le problème, c'est que derrière tu l'oublies. On l'a déjà oublié avec l'info qui est sorti. Bon, quand et même. En plus, c'est triste à dire. C'est et triste en à plus, dire. Tu l'as déjà oublié. C'est ça. Avec moi. J'en parlais, je crois, avec Clément Carpentier. On a fait des matchs depuis le début de la saison assez moyens, voire mauvais en Ligue 1. Et il y a rien eu en après-match. On a fait 2 bons matchs, la qualification européenne et le match d'hier. Et bam, derrière, on nous casse tout avec des déclarations et des soucis. Mais oui, mais le problème, c'est tu as besoin de ce match-là et d'un résultat positif. On sait pas en plus dans quel état on va être parce qu'on sait que le coach sera annoncé avant le début du match. Je peux pas croire que le coach. Ah, tu crois ça? Si tu annonces ton coach le dernier jour du mercato. Oui, là, tu as un stade plein avant le match, les gens sont encore euphoriques, on n'est pas encore éliminé. C'est pas ça. Légalement, moi je te dis, si on attend mercredi pour annoncer le nom du futur coach. Mais demain, pourquoi mercredi? On peut attendre demain soir, demain après-midi. Non, si jamais on attend mercredi pour annoncer le nom du futur coach, pour moi on sera déjà en retard. Normalement, demain, il doit être annoncé et point barre. Normalement, on devrait savoir, oui, dans les 24 heures. Ce qui est annoncé, demain, c'est ça. Mercredi, mais on doit le savoir. Mercredi, c'est déjà trop tard. Et alors, mercredi, on le sait, mais que les dirigeants, tout ça, c'est bon. On aura déjà un article de presse qui va sortir en disant que c'est bon, c'est en bonne voie pour un tel ou un tel. Mais c'est tout. Mais imaginez, on arrive au match de la Gantoise, on connaît pas le nom du coach. J'ai même envie de te dire, on connaît le nom du coach et il n'est pas du calibre de Thierry Henry. problématique. Cas, même s'il n'est pas du calibre, ce n'est pas Thuram. Alors Marc, si t'as compté, alors, je pense que je vais te poser la question à l'envers. Pour moi, si je précise, je n'ai aucune information, je donne un nom comme ça pour servir d'exemple. Pour moi, si on ne m'annonce pas Thierry Henry, mais qu'on m'annonce Ranieri, pour moi Ranieri, c'est au-dessus de Thierry Henry. Même si je suis pas fan, attention, de ce monsieur et du jeu qu'il a fait notamment à Nantes, mais en termes de carrière, d'expérience et de trucs, je suis désolé, c'est au-dessus de Thierry Henry. Mais en termes d'éclat, je suis désolé, c'est beaucoup moins sexy que Thierry Henry. Oui, ils en parleront pas dans ESPN, ça c'est sûr. On va pas se mentir. Voilà. Et à noter aussi, alors je jette un pavé dans la mare. Oula. Attention le parpaing. D'ici à mercredi, on peut aussi attendre une recrue. Ah bah de toute façon il va falloir un attaquant. Il va falloir une recrue. Non mais oui, moi je vous le dis, avant mercredi il y aura sûrement une recrue. Genre une recrue annoncée jeudi, t'imagines un attaquant de ouf avant le match. Mais non mais avant mercredi. Non c'est mardi, avant mercredi. C'est mardi 12h s'il veut jouer. Hein, par contre. Non mais après ça veut pas dire que le mec il va pas arriver et jouer direct. Non on s'en fiche. Non mais je suis désolé, si tu n'as pas tout ça qui arrive avant. Problématique. Déjà lundi 21h donc. Alors j'ai une autre hypothèse que j'ai. Thibaut le met sur Twitter et il a raison. Si Henry valide, le club communiquera demain. C'est sûr. Alors si c'est pas Henry, on le saura mercredi. J'ai une autre hypothèse, moi, qui vaut ce qu'elle vaut. Est-ce que, alors, parce que tout ne se sait pas, on va pas se mentir, on a des infos qui sortent, mais on a aussi des trucs qui sortent pas et qui sortiront sûrement jamais. Est-ce qu'il n'est pas improbable, au vu du timing qui va être proposé, enfin, qui reste, on n'a pas trop le choix, que dans la foulée de l'avenue d'un nouvel entraîneur, on nous annonce, pourquoi pas dans l'heure ou dans les deux ou trois heures qui suivent, boum, la signature, bim, d'un gars qu'on avait mis de côté, on avait dit, écoute, voilà, on le fait dans le feutré et personne n'est au courant, mais voilà, dès qu'on officialise le coach, pour pas perdre de temps, parce que je veux dire, si t'attends que ton coach signe pour encore après repère du temps à repasser des coups de fil. Alors en fait, bon, bah t'as vu, c'est bien lui, hein. T'as vu, c'est lui, c'est officiel. Alors est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Le mercato, c'est vendredi. Hein. C'est pour ça que je te dis, dans la foulée de l'avenue du nouveau coach, il m'étonnerait pas que direct on enchaîne avec, avec la venue d'un nouvel attaquant. Mais de toute façon, enfin, tout est prêt pour tout est prêt là. Et je suis persuadé que le club a déjà réfléchi, même si c'est pas Henry, à des recrues potentielles, c'est sûr. M6 ou GACP ? Ouais, ça. Ouais, alors on en parlera aussi tout à l'heure, mais il y a aussi une guerre entre GACP et en interne de GACP, Nicolas Paul. Alors si on parlait tout à l'heure dans RMC, oui, il y a une guerre interne en fait. C'est ça qui pose aussi des problèmes. Il y a des membres de GACP qui sont totalement pour le cas Henry et d'autres qui sont complètement contre. Donc le souci, il est bien là. Donc, c'est, après, enfin, ces gens-là. Qu'on ne connaît pas. Il y a des noms qui sont sortis, des machins, des trucs, mais enfin, voilà. Quand on dit des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, c'est vague. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est des financiers? Est-ce que c'est des gens qui gèrent le sportif? Est-ce que c'est des gens qui gèrent le financier? Est-ce que c'est des gens? C'est absolument pas. C'est hyper flou. C'est hyper vague, tout ce qu'on entend. C'est ça. À savoir aussi que dans le lot, il n'y a pas tout le monde qui est tout rose. Henri aussi joue bien de la situation d'être le seul, jusqu'à présent, d'être le seul potentiel entraîneur. Il joue bien de ça. Donc c'est vrai que sur le coup, chacun n'est pas tout rose dans l'histoire. Donc on va attendre d'en savoir plus, parce que là, pour le moment, on n'en sait pas plus. Mais si Henri refuse, s'il hésite, voilà, je suis désolé, on lui offre une opportunité et il la saisit pas, est-ce qu'il en aura une meilleure ? J'ai pas mon micro, voilà. Autant pour moi, c'est parce que t'étais au téléphone, pas de soucis. Adrien non plus n'avait pas son micro, donc là il y a eu un petit blanc de 1 minute, je pense. Non, il était allumé, Adrien. Si, Adrien. Peut-être qu'il est pas assez fort le micro d'Adrien. J'ai Eric qui m'a envoyé, on parlait de Liverpool tout à l'heure, donc forcément, il faisait, eh oui, papa, Liverpool, parce qu'il adore ce club, on le sait, et il confirme, si, 42 000 personnes, si, au stade, 42 000 personnes, sinon je prends le nom de tous les absents. Voilà. On a un auditeur au téléphone, non, je n'ai pas pris le nom. Salut Lucas! Bonsoir tout le monde. Comment ça va Lucas? Merci à vous de m'accueillir encore une fois. Ah, mais je suis bête, c'est vrai que je t'avais déjà dans ma liste. Tu voulais revenir la dernière fois sur le départ de Poyet. On avait trop résumé le départ de Poyet à la mort. Tu vois, je me souviens. Oh la vache, tu fais une liste, toi, avec des... Je vois ceux qui reviennent souvent, c'est ceux qui reviennent pas souvent. On va faire comme RMC, c'est-à-dire qu'après, on t'appellera pour que tu viennes. Voilà. Oui, tu voulais réagir sur le match de la Gantoise. Vas-y, dis-nous. On s'excuse par avance, si jamais on adhiera, on te coupera comme je t'avais dit, on te rappellera juste derrière. Pas de soucis, à mon avis, Aloudiara sera plus important que ce que je vais dire. attends, t'as pas parlé encore. T'as pas parlé. Ça se trouve, je vais embâcher un de nous autour de la table, il va falloir que je te... Mais non, le mec, il nous fait bon, et moi, j'ai une info, les gars, boum, genre, comment il s'appelle, genre, Henri, c'est mon père, boum, je vous le dis, et demain, il est là. Mais bon, à moins que tu t'appelles Lucas Henri. Lucas. Non, non. Mais ça m'étonnerait. Donc, le match de la Gantoise, tu le sens, tu le sens comment? Pour tout vous avouer, je... mal. Mal parce qu'en fait, je trouve, je vous entendais tout à l'heure parler de l'arrivée de... Enfin, la possible arrivée de Henri, etc. Et en fait, alors autant sur le terrain, comment dire, je trouve que Bordeaux, par rapport au match contre Monaco, l'équipe a démontré qu'elle avait certains talents, c'est une certaine qualité. Une qualité qui est, comment dire, importante, comment dire, pour ce match qui est quand même le match capital de la saison. Mais je trouve qu'en fait, ce match, il est hyper mal préparé par le club. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous annonce le club, et c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Alors juridiquement parlant, on est d'accord, on peut pas, comment dire, communiquer avant mardi, on peut pas nommer un entraîneur avant mardi, mercredi. Et en fait, on nous annonce que le nouvel entraîneur va arriver mercredi. Mercredi, c'est la veille du match contre la Gantoise. Mais celui qui coachera jeudi, on est bien d'accord pour dire que c'est Bédoué. Hein. Ah ben j'espère, parce que comment dire, le nouvel entraîneur, il n'aura pas le temps en une journée, de préparer un match aussi important, c'est pas possible. Si Bédoué restera assis sur le banc, bien sûr, ce sera toujours ce sera l'entraîneur qui sera élu. Parce que déjà, est-ce qu'officiellement il aura, je sais pas, tu sais, les histoires de papier, de machin, de trucs, est-ce qu'il sera officiellement qualifié? Pour je sais pas, il y a peut-être un délai à la Ligue pour donner le nom du coach à l'UEFA, pour peut-être fournir le nom du coach. Il sera peut-être tout simplement pas qualifié pour coacher sur ce match-là. Mais oui, vous inquiétez pas, Eric Bédoué va préparer l'équipe pour jeudi, Eric Bédoué va faire la compo et Eric Bédoué coachera l'équipe jeudi. Même s'il y a un coach qui sera physiquement présent sur le banc, je pense que c'est Bédoué qui va faire 99% du taf. Enfin, je bien sûr. Mais même ça, ça rassure pas vraiment en fait. Ah bah quand même. Non? Ah bah je vais être honnête, j'aurais préféré avoir un entraîneur du style Ranieri, Henri qui arrive avant. Ah oui, mais préparer le match avec Eric Bédoué. Je suis d'accord. Dans le cas où ils arrivent avant, sauf que malheureusement, ils seront pas là. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, ils pourraient pas arriver avant mardi. Et mardi, tu es coach, tu arrives mardi, tu ne prépares pas le match de la Gantoise. Mentalement, Même pas mentalement. Tu peux motiver je te dis de toute honnêteté, je serais un coach qui serait arrivé dans le week-end, le match de la Gantoise. Tu t'en remets un minimum aux gens en place parce que tu connais pas ton groupe, tu sais pas comment ils fonctionnent, tu sais pas dans quel état ils sont. Tu peux pas faire des choix théoriques. T'es obligé de te fier. Donc même si le coach, de toute façon, ne pouvait pas arriver avant mardi, arrive mardi et fait son premier entraînement, le choix de comment tu vas jouer et de qui va être sur la pelouse, c'est dans un bureau et t'en parles avec Bédoué. Et par respect, j'ai envie de dire, parce que tu peux te tromper, tu laisses Bédoué décider. Tu dis ok, tu vas dire à Bédoué, ok, moi de ce que je connais de l'effectif, j'aurais tendance à faire ça, mais toi tu ferais quoi? Et ok, tu fais ça, et ben on y va, on va faire ce que tu penses, parce que c'est toi qui connais le groupe, c'est toi qui sais comment le gérer. Le mec qui arriverait, qui dirait à partir de mardi, ah non mais moi je sais déjà comment il faut qu'on joue, qui va être en place, j'ai envie de dire Guignol, arrête, va-t'en de suite, parce que t'as rien compris à ce que c'est que le management. C'est au-delà, et j'ai même envie de dire, celui qui arrivera mardi ou mercredi, même le match de dimanche, tu vas laisser Bédoué te guider. Après, tu auras la trêve internationale, tu auras 2 semaines de travail avec tes joueurs et tu commenceras à faire tes choix. Mais avant, tu feras 0 choix. Ça, c'est que mon avis, c'est comme ça que j'aurais fonctionné. Ouais, mais après, alors le club annonce que normalement, il devrait communiquer sur le nouvel entraîneur mardi ou mercredi. Il y a une question que je me posais aussi, c'est quel que soit l'entraîneur, que ce soit Henri, Ranieri, tous les noms qui sont sortis dans la presse, les noms possibles et imaginables, qui va accepter de s'engager au FC Girondins de Bordeaux au vu du contexte actuel et avant ce match justement contre la Gantoise? Parce que comme je disais tout à l'heure, le match contre la Gantoise, il est quand même capital. C'est quand même le match de la saison. c'est celui qui va te permettre d'accéder quand même aux phases de poule de l'Europa League qu'on attend depuis ça fait combien de temps qu'on attend depuis trop longtemps. Voilà, depuis trop longtemps, depuis 2-3 ans au moins. Il peut déjà, enfin comment dire, l'entraîneur qui arrive avant jeudi, il peut déjà se retrouver en, en difficulté avant, enfin si Bordeaux se fait éliminer par la Ganteuse jeudi. Oui, après ça dépend. Ça dépend l'entraîneur qui y est. Si tu fais signer Henry et qu'il arrive après élimination, alors ça sera les dirigeants qui seront attaqués. Mais lui aura son aura. Il, justement, il sera pas impacté par cette défaite. Alors que s'il avait été sur le banc, il aurait peut-être été impacté par cette défaite. Là, s'il arrive et prend les fonctions, les mains après. Il n'aura pas de soucis, surtout si c'est Henry. Si c'est Henry, tu... beaucoup de supporters pardonneront Henry du fait de son aura et de ce qu'il apportera au niveau médiatique et tout ça, et même au niveau du jeu, je pense, au vu de son discours et tout ça. Mais par contre, si tu... derrière, c'est un entraîneur qui est un entraîneur, par exemple, français de moins bonne envergure, alors là, oui, ce sera très très difficile pour lui. Oui, voilà. si les autres veulent réagir. Non. Après, je sais pas réellement. Dis-moi, tu serais à la place. On a un petit problème, c'est qu'on a tous un avis aujourd'hui sur ce club-là. J'ai envie de dire, si demain j'avais été la chance d'être un entraîneur ou la chance d'être le président. Putain. On ferait tous des choix en arrivant, parce qu'on connaît notre club. Mais j'ai envie de dire un truc plus réaliste qu'être coach, parce que. Bon, quand même, un bon paquet de trucs. Président, c'est plus simple, on va dire. Même président, avec tout ce qu'on peut savoir sur le club. J'ai souvent dit que j'aimais pas la façon dont on avait de diriger la formation, même si ça semble changer depuis quelques années. J'aime pas la façon dont on fait le recrutement, ce genre de choses. Tu arrives, mais t'es obligé de commencer ton mandat en te disant, et si tout ce que je savais, il m'en manquait les trois quarts pour pouvoir faire une analyse correcte. Et bien, pour moi, le coach, c'est pareil. On aurait tous envie de faire certaines choses. Autour de la table, il y en a plein qui passeraient en 4-4-2. Plein. Oui. Mais non. Peut-être que tu t'apercevrais que le 4-4-2, tes joueurs, aucun n'y adhère. Et si aucun de tes joueurs n'adhère à ce schéma, tu pourrais pas faire celui qui sait pas. Et après, donc, on revient à l'éternel débat. Est-ce aux joueurs à s'adapter? Non. Ce que je veux dire, c'est que je dis pas que ça t'empêcherait d'essayer et de mettre en place. Mais à rien, au moins, il y a quelque chose qui est important qui s'appelle le résultat. Donc, si les résultats ne suivent pas, tu ferais peut-être machine arrière. Comme l'a fait un petit peu Gourvennec, on voulait jouer en 4-4-2, puis très rapidement, il s'est adapté à son groupe. Parce que le but d'un entraîneur, c'est pas de faire ce qu'il a envie, c'est de faire ce qu'il faut pour que les joueurs soient les meilleurs possibles. Donc, le coach qui va arriver, il va avoir des certitudes, il va avoir des envies. Maintenant, est-ce que ces envies-là vont coïncider avec ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour que Bordeaux soit au plus haut et soit à 100% voire en sur-régime, c'est autre chose. Et le match de la Gantoise, ce qui me rassure justement, c'est que j'espère que l'entraîneur qui sera là aura cette philosophie-là. De dire, écoute, Bédoué, il est au club depuis 97. C'est pas le premier des débiles qu'on a comme coach suppléant. On l'a vu analyser le match de la Gantoise. Il a fait des choix. Il a refait des choix dimanche. Mais ces choix, ils ont été payants. Le fait de dire Kalou, Kamano, j'ai besoin de vous contre Monaco. Là, sur ce match-là, j'ai pas besoin de vous. Par contre, je suis sûr que eux seront présents jeudi. J'en suis quasiment persuadé. Il a fait des choix en connaissant son groupe. Nous, si on avait tous été les coachs, je dis, Kamano, Kalou, ils sont sur le terrain. Est-ce qu'on aurait eu raison? Peut-être. J'espère bien qu'ils seront sur le terrain. Non, mais jeudi dernier, si tu avais été la place de Bédoué, on aurait quasiment tous mis. Est-ce qu'on aurait eu raison? Peut-être. Peut-être qu'on aurait gagné nos deux matchs. Et peut-être pas. Avant de terminer, Greg, excuse-nous, parce que là, je te cache pas qu'on devrait pas tarder à... Lucas, pardon. J'ai dit Greg, c'est Lucas. On va terminer avec toi. Merci, Lucas. Je suis désolé, on est un petit peu rapide. Merci, Lucas. Ciao, mon grand. Tu peux rappeler tout à l'heure. Salut. Si Non, l'émission sera terminée. J'avais pas vu, excusez-moi. Ça passe tellement vite avec vous, les amis. Oui. Oh, voilà, bisounours compagnie. Oh, et il est temps donc, messieurs, d'accueillir au téléphone notre invité du soir. Il est l'un des joueurs qui a marqué durablement l'histoire du FC Girondins de Bordeaux. C'est Alou Diarra. Bonsoir, Alou. Bonsoir. Voilà, Non, mais juste le passage à Bordeaux, félicitations. Même au Bayern. Ouais, déjà, je m'en fous, je suis supporter à Bordeaux, moi. Déjà, donc, voilà. Alors, on te dit, c'est peut-être notre faute d'ailleurs si ça s'est un petit peu mal fini l'année 2010, puisqu'on a été que 6e et on n'a pas réussi à passer l'écart. Parce qu'on a commencé notre émission à cette période-là et depuis, on régresse. Donc, alors, je sais pas si c'est notre faute, je prie pour que non, mais voilà. Mais en tout cas, félicitations pour tes années bordelaises. Et puis, merci. Et puis, merci. J'ai eu beaucoup de moments de plaisir en Gironde et. C'est vrai que c'est un club qui m'a marqué, des supporters aussi fantastiques pendant mes 4 années là-bas. Je me suis vraiment régalé pendant mon passage à Bordeaux. Et puis merci pour la disponibilité à Lou, parce que ça s'est fait un petit peu dans la journée, un petit peu rapidement. Donc merci. L'énouement de Thierry Henry pouvait se faire à cette rapidité. Je pense que vous, ça nous irait très bien aussi. Et tu dis les années bordelaises à Lou, mais c'est peut-être pas terminé son histoire avec Bordeaux. Peut-être qu'un jour il reviendra en tant que coach. J'espère bien. C'est partie de mes rêves de revenir un jour en Gironde pour rendre ce que Bordeaux m'a donné. Alors, voilà, les Girondins m'ont beaucoup donné, du coup j'espère un jour avoir l'opportunité de revenir en Gironde pour jouer un rôle. Mais avant de coacher les Girondins, tu vas d'abord t'occuper des U19 du RC Lens, puisque ça a été officialisé vendredi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, exactement. Vendredi 24. Oui, tu es donc devenu le coach des U19 du RC Lens. Oui, c'est tout frais. Je viens d'être nommé entraîneur adjoint des U19 du RC Lens. Un club aussi qui m'a marqué, avec qui j'ai gardé d'excellentes relations. Du coup, après ma carrière, je me suis rendu à Paris avec ma famille. Et oui, c'est vrai que Lens, en termes au niveau géographique, c'était une bonne opportunité pour moi et le club a tout de suite accepté de me suivre dans mon processus de reconversion et je tiens à les remercier parce que ça s'est fait aussi dans une courte période, mais la décision a été prise assez rapidement et tant mieux on vient de remporter notre premier match de championnat dimanche dernier et c'est bien, c'est un bon début. Tes objectifs professionnels dans cette nouvelle carrière, tu t'en es fixé ou par rapport à une carrière de joueur, c'est quand même plus difficile? Bien sûr, ah non, c'est incomparable, hein, c'est pas du tout le même métier. Moi, j'arrive dans ce nouveau métier en toute humilité, avec vraiment l'envie d'apprendre et de transmettre aussi. Je me suis pas encore fixé les objectifs, mais quand on me connaît... quand je commence quelque chose, c'est pour essayer d'aller le plus haut possible. J'ai toujours cette ambition en moi qui fait que je fais pas les choses à moitié. Alou, qu'est-ce qui a fait que dans ton processus de décision, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de commencer par une catégorie de jeunes plutôt que comme certains le font directement après leur carrière de joueur, ils passent leur diplôme et d'attaquer directement avec une équipe pro? T'as estimé que c'était mieux pour toi de commencer par une équipe de jeunes de U19 pour après évoluer Oui, même si je pense que lors de mes dernières années de carrière, j'étais comme un adjoint, un relais pour le coach. Du coup, ça m'aurait pas dérangé d'assister un coach professionnel, avec un groupe professionnel, mais ce passage aussi chez des jeunes d'élite, c'était quelque chose que je voulais découvrir et pour savoir l'influence que je peux avoir et est-ce que je peux transmettre à des jeunes. Voilà, je voulais aussi évaluer ça et je trouve que c'est un passage quasi obligatoire, mais oui. Parfois, sur certains cas, oui, on peut directement passer à la case professionnelle, mais moi, même si je me sentais prêt d'épauler un staff professionnel, j'ai décidé de passer par cette étape d'équipe de jeunes. Voilà, c'est déjà une bonne étape dans un club structuré comme le RC Lens. Du coup, voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre également. Et... Aujourd'hui, c'est quoi qui est difficile? Parce qu'on a quand même l'impression que anciens joueurs et grands joueurs, parce qu'on parle quand même de joueurs qui ont connu une grosse carrière, ont du mal à trouver des postes. Thierry Henry a des difficultés à en trouver. Zidane, ça a été un peu long. Laurent Blanc n'en trouve plus. Comment tu expliques cela? Non, il y a le niveau d'exigence de chacun aussi. Hein. Voilà, certaines personnes veulent avoir certaines conditions, ce que je peux comprendre, hein, des garanties sportives ou autres. Je peux comprendre. Après, comme je vous le dis, il y a quand même pas mal d'anciens joueurs qui ont fait de grandes carrières, qui ont réussi à réussir sur un banc de touche. Je pense à Didier Deschamps. Voilà, c'est le meilleur exemple. Hein. Mais bon, je pense que tout dépend du profil des personnes. Voilà, moi je j'apprends ce nouveau métier. J'ai beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir à la faire. Du coup, on verra dans le futur. Mais pour l'instant, je suis bien. Je suis très bien. Ah. Alou, en parlant d'anciens joueurs, anciens grands joueurs comme toi qui se reconvertit entraîneur et qui, peut-être pas, on sait pas trop, arrivera au Girondins de Bordeaux dans quelques jours, voire quelques heures, il y a Thierry Henry. Déjà, ton regard d'ancien du club sur la situation, c'est-à-dire avec le rachat par le groupement GACP, là, les Américains, et sur l'imbroglio qu'il y a autour du cas Thierry Henry. Tu comprends que ça traîne un petit peu, t'es étonné, enfin voilà, comment tu ressens non, ça? Non, je suis pas étonné. Bon, par rapport au rachat du club par ce fonds d'investissement américain, bon, je pense que c'est pour donner un second souffle au club, voilà, pour que le club passe, voilà, progresse au niveau mondial. Je trouve que ça peut être une bonne chose pour les Girondins de Bordeaux. En respectant bien sûr les valeurs du club et son histoire et sa philosophie. Par rapport à Thierry Henry, c'est normal qu'il veuille que toutes les conditions soient réunies pour qu'il réussisse, parce que c'est un grand nom du football français et ça sa première expérience sur un banc en France. Du coup. Et c'est normal qu'il ne se précipite pas, qu'il veuille avoir toutes les conditions réunies pour réussir. Voilà, je sais que c'est pour l'avoir côtoyé en équipe de France et en tant qu'équipier, c'est quelqu'un qui veut absolument réussir. Voilà, il veut se donner les moyens de réussir. C'est un très grand connaisseur du football de haut niveau et un passionné également. Du coup. C'est un petit peu normal que les décisions, que sa décision de s'engager avec les Girondins prenne un petit peu plus de temps. Après, oui, il y a un engouement derrière cette arrivée. Voilà, c'est un grand nom du football français qui peut arriver en Gironde. Du coup, les gens portent beaucoup d'espoir par rapport à son arrivée. Mais lui, en tant que futur entraîneur, a besoin d'avoir certaines garanties sportive et financière sûrement pour s'engager avec les Girondins. Sachant que tu as joué une finale de Coupe du Monde avec lui, est-ce que tu as son numéro pour lui mettre la pression et lui dire mais viens, on est bien là-bas? Ah oui, non, mais... c'est nous on l'appelle, tu vois. Oui, sinon... de ta part, on dit on était assez proches en sélection, du coup, je vais toujours parler de bien de la Gironde, des Girondins de Bordeaux. C'est aussi un club qu'il a toujours respecté. Du coup, il sait où il va. Voilà, il sait que les Girondins, c'est un grand club français avec un très gros palmarès et également un club ambitieux. Du coup, je pense que s'il est intéressé par une venue en Gironde, c'est parce que il respecte énormément le club. Tout se fait quand même, on a l'impression, enfin alors nous qui sommes vraiment au quotidien à s'intéresser à ce qui se passe surtout en ce moment, on a quand même l'impression que ça donne une image un petit peu de c'est un peu le flou, quoi, tu vois, c'est vraiment un peu le flou artistique, personne sait vraiment trop ce qui se passe, un coup on dit c'est les Américains. Lui-même s'est pas exprimé encore à ce sujet. C'est vrai qu'on l'a pas entendu. Du coup, Du coup, oui, c'est le flou total. Je pense que voilà, on aura beaucoup plus de nouvelles concrètes quand il s'exprimera, ou le club aussi s'exprimera. Du coup, oui, c'est par presse interposée qu'on entend cette rumeur s'amplifier. Mais voilà, que ce soit le club ou lui, il n'y a pas eu encore. Après, ça ne veut pas dire que ça va pas se faire. Hein. Ça veut pas dire que c'est pas positif, mais je pense que ouais, il est encore en phase de négociation et que voilà, il attend encore certaines conditions. Ouais. En tout cas, j'espère que voilà, une figure du football français comme Thierry Henry arrivera en Gironde. Ça serait que bénéfique pour le club. Pour la Ligue 1 également, parce qu'on parle d'un des plus gros palmarès du football français, et ça pourrait être une bonne chose. La réelle question qu'on s'est posée aussi des fois, c'est on a des joueurs qui voient un coach aussi grand joueur qu'il a été arriver inexpérimenté. Tu aurais été à la place d'un joueur des Girondins de Bordeaux aujourd'hui, c'est comment tu aurais vécu cette possible arrivée? T'en aurais été content, curieux? Au contraire, tu aurais préféré un coach d'expérience. Comment tu aurais évalué ça? Bon, je pense que j'aurais été excité, enthousiaste de voir, comme je dis, une figure du football français comme Thierry Henry arriver en Gironde. Ça ne peut que être bénéfique. On connaît la carrière qu'il a eue très récemment. On sait l'apport qu'il a eu par rapport à l'attaque belge qui a flambé pendant le mondial en Russie. C'est un passionné, c'est un connaisseur de football. Du coup, ça ne peut être que bénéfique pour Bordeaux et son jeune groupe. Ok. Et pour terminer, on a une dernière question. Toi qui as connu Laurent Blanc sous tes années bordelaises, qui connais Thierry Henry, tu pourrais nous, si tu veux comparer les deux, nous dire les différences et similitudes qu'il peut y avoir entre ces deux coachs maintenant? Dans leur philosophie de jeu, je crois qu'ils ont la même philosophie de jeu, parce que oui, c'est des joueurs qui aiment avoir le ballon, la possession. Thierry Henry a été très marqué par son passage à Barcelone. Du coup, oui, c'est un joueur qui aime évoluer dans les petits périmètres avec beaucoup de technicité, avec beaucoup de mouvements. Et oui, je pense qu'il y a des similitudes dans leur philosophie de jeu et de football. C'est des joueurs qui aiment avoir le ballon que courir après. Du coup, s'il devait arriver en Gironde, oui. Après, je veux juste rajouter quelque chose, je comprends toujours pas pourquoi un coach de la qualité de Laurent Blanc n'a pas encore de club. C'est incompréhensible pour moi. Il a été abordé par les Girondins pour prendre la suite de Poyet. Il a décliné la proposition, de ce qu'il se dit, il aurait peut-être pas eu toutes les garanties financières nécessaires pour mener à bien, alors peut-être son projet ou le projet que les Américains lui proposaient, mais voilà, il a été contacté. Après, bon bah sinon envoie SMS, dis-lui il faut que tu viennes, ils ont besoin de toi. Ouais, parce que là je te cache pas ça serait beaucoup trop, ça serait trop facile de faire ça. Là je te cache pas que ça commence à être tendu quand même. Marc, d'ailleurs, je te dis que c'était la dernière question, mais en fait, c'est pas vrai. La dernière question, c'est celle-là. Aujourd'hui, on a un homme club à Bordeaux, Bédoué. Tu l'as connu. Ouais. Il est au club depuis 97, si je me trompe pas dans les dates. Si tu devais nous dire un mot là-dessus et finir ton intervention là-dessus, tu dirais quoi? Ben, Eric Bédoué, c'est vraiment un homme de confiance, du club. Voilà. C'est quelqu'un qui est toujours disponible pour le club, pour aider le club. Voilà, c'est quelqu'un que j'estime énormément, parce que par son tempérament, par son expérience et par ses compétences, il apporte beaucoup de calme et de sérénité. Voilà, il a souvent joué le pompier de service pour sauver le club. Et ça a été, moi, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir d'échanger et de collaborer avec lui, parce que je vous dis. Il a ce recul nécessaire, il a ce calme pour vraiment gérer un effectif qui est, qui est mal en point. Et c'est vraiment Bordeaux a vraiment de la chance d'avoir quelqu'un comme Eric Bédoué dans son staff, parce que c'est quelqu'un qui, sans calculer, reste fidèle et aidera toujours le club. Du coup, chapeau pour ce qu'il fait, parce que c'est pas évident. Les coachs, les entraîneurs se succèdent, mais lui, il reste parce que c'est vraiment un homme du club. Puis, surtout c'est la quatrième fois qu'il le fait quasiment en cinq ans. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue pour lui. Et on va lui souhaiter une très belle fin jeudi avec la victoire face à la Gantoise et la qualification face à la Gantoise. Merci infiniment à Lou Diarra d'avoir été avec nous pour cette fin d'émission. Merci beaucoup. On t'enverra une nouvelle invitation pour revenir sur ta carrière plus longuement quand tu auras peut-être plus de disponibilité. Même parce que Lens, OL, Bordeaux, Marseille, Rennes, Liverpool. Ça fait des voyages. Il y a une belle expérience. Le Havre. Le Havre. Finale de Coupe du Monde. Finaliste de Coupe du Monde en 2006. Peut-être la meilleure équipe de France depuis très très très longtemps. Ah, ça c'est un moment. L'une des plus belles équipes de France qu'on ait connues. Il a joué avec Zidane. Ça. Exact. Donc merci vraiment. Beaucoup. Merci bonne à Lou pour ton année. Et bonne chance sur la séance. Avec les gens en tant qu'entraîneur. Et à dans 5-6 ans en tant que coach. À Bordeaux. Pourquoi pas. Salut à Lou, merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était notre petit moment cadeau pour finir la journée tranquillement, tout paisible. Tranquillou bilou. Tranquillou bilou. Tu sais quoi, on va finir sur trois infos. On vous cache pas quand même que ça a été super serré. À la base, on devait l'avoir à 8h. Après, on a plus 8h30. Il a fallu caler, c'était un peu compliqué. Il a fallu caler, on a tout fait en direct. On les remercie grandement parce qu'ils ont ceux qui s'occupent de ça. On remercie Adrien déjà. Que ce soit Lou Diarra ou l'équipe qui nous a mis en relation, ça s'est fait très rapidement. C'est pas simple, il faut quand même faire qui nous a mis en relation. On a contacté l'équipe qui gens de communication. Ah, l'équipe, oui. Ah, oui, d'accord. Voilà, qui nous a permis d'avoir Lou Diarra, ça s'est fait rapidement. On s'est été des échanges par mail. Donc il faut quand même accorder sa confiance à des gens que tu connais pas, on sait pas où ils pouvaient tomber. Donc merci à eux merci à Lou Diarra de nous avoir consacré du temps. Est-ce que vous voulez qu'on joue à l'Ice Bucket Challenge? Bah là tout de suite non, il y a des micros mais ça peut parce que matos. Il y a tu vas refroidir tout le monde, c'est ça? Oui. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais pas du tout. Ça s'appelle Carauta Desporté. Donc c'est espagnol ou portugais. Ah oui, voilà. Carauta Desporté. Qui nous dit Thierry Henry sera l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Donc là, ça va. Bon, lui nous le dit. Sauf que ça, c'était le 23 août, l'article. Ah bah oui, c'était il y a 4 jours. Petit article de Yahoo, M6 n'acceptera pas la vente du club à GICP sans avoir validé le nouvel organigramme bordelais. Bon, donc là, quand même, je me pose de grosses questions. Non, ça, à la limite, c'est pourquoi pas. C'est-à-dire que les mecs, ils achètent un club, ils vont pas ce qu'ils veulent. Bon, voilà. Et ça veut surtout dire que celui qui le vend veut le laisser dans des... bonnes mains. En ayant des garanties que ça sera bien... voilà. Et donc, le petit Ice Bucket Challenge, on a Nicolas Morin, donc journaliste de France 3 Aquitaine, qui nous dit que Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, a été contacté par Bordeaux, sachant que un peu plus tôt, on a eu Don Omar, après, c'était FCGB, pour les gourdes, on n'a pas dit, qui disait que Ranieri aurait, après ses expériences à Monaco et à Nantes, décliné l'offre des joueurs à Bordeaux puisqu'il ne veut plus coacher en France. Mais franchement, voilà. Mais franchement, alors je vois pas où est le ice. Alors excusez-moi, où est le Ice Bucket Challenge? Ice Bucket Challenge. Hervé Renard a gagné, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Je crois qu'il a gagné une, voire. Alors je vais peut-être dire une énormité, mais je vais vérifier en même temps que je vous le dis. Je me demande s'il a pas gagné deux cannes avec deux pays différents. Si, et dont la Zambie. Si je dis pas de bêtises. Alors là, Hervé Renard a une. Bah, je suis désolé. Tu ne peux pas passer de Thierry Henry à Hervé Renard. Mais c'est même pas je suis désolé. C'est pas que ça. Le mec, il est venu entraîner en Renault d'Europe. Il a rien fait. Il faut arrêter. Il est venu à Sochaux. Il arrive juste à gérer les sélections africaines qu'il a eues. Mais après, en Europe, il a fait. Ça reste quand même. Je suis désolé. Ça reste quand même un joueur. Un entraîneur. Ah, évidemment, ils me mettent les victoires. Sans décoller, les mecs sur Wikipédia, au lieu de mettre, il a fait tant de matchs. Non, lui, ils te mettent les victoires, les défaites et les nuls. Ce qui fait que t'es obligé d'additionner. Donc, j'ai pas le total. Bref, toujours est-il que, il a commencé sa carrière en 99. Ça fait 20 ans déjà qu'il est coach Hervé Renard. Je m'excuse. Moi, j'ai toujours pareil. Je parle en termes d'expérience. Ben, je vois pas en quoi, une fois de plus, qu'est-ce qui vous permet de dire que Thierry Henry est un meilleur coach qu'Hervé Renard? Ben, je suis désolé, rien. J'ai pas dit ça, rien. Juste dit que donc, je vois pas en quoi Hervé Renard, c'est un mauvais choix. Non, non, mais personne n'a dit ça. C'est juste que, en termes de aura et d'image. Attends, il est beau gosse comme Hervé Renard au jeu. En passant de Henri à Hervé Renard, pour tout le respect que j'ai pour Hervé Renard. Il est vachement plus beau gosse Hervé Renard que Thierry Henry, les gars. Hervé Renard, il faut pas oublier, c'est quand même le quatrième de sa poule, c'est derrière l'Iran, quand même. Faut, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter d'en parler, quoi. Mais il a qualifié le Maroc. Il a qualifié le Maroc. Ça faisait des années que c'était pas qualifié. Moi, depuis que c'est sorti, je lis ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais je vous assure que si au final on arrive avec Hervé Renard, mais une espèce de baffe monumentale qu'auront pris les supporters. Oui, mais oui, et tous supporters qui sont, si jamais ça gagne les 3, 4, 5 sur 10, les petits matchs qu'il fait, il en gagne 6, ils fermeront tous leur bouche, ils diront, ah ouais, putain, Hervé Renard, c'est quand même vachement mieux. Franchement, mais non, regarde, Zidane, on t'en parle encore. Tu peux pas dire ça, mais c'est pas possible. Je vais répéter ce que je dis souvent. Arrêtez de réfléchir avec en fonction de ce que vous disent les réseaux sociaux. Les gens sont versatiles. Les gens sont versatiles. Les gens sont versatiles. Mais il gagne les 5-6 premiers matchs. Mais Seb, ça te fera chier quand on gagnera, ça te fera plus chier, t'auras oublié. Voilà. T'es à condition qu'on gagne. Oui. Parce que je suis désolé, si Henri vient, ça te montre une projection sur l'avenir. Hein, au moins. Même si ça, mais parce que ça peut échouer complet, mais au moins ça te montre un objectif, ça te montre une, c'est quoi le mot, je l'ai plus, c'est une ambition. Mais si c'est Hervé Renard et que tu as Thierry Henry face à face, l'ambition est pas la même. Tu peux pas venir dire l'inverse. C'est l'angle là de l'image. 21h41. Non, on va s'arrêter. Ah non, je vais même pas m'engueuler parce que je pense que t'as raison, mais en fait on dit la même chose, mais on parle pas sur le même plan. Oui. C'est-à-dire que toi tu parles sur le plan de l'image, de la com, de tout ça. Moi je te parle juste sur le plan de la compétence et du truc. Après, voilà, on verra les résultats. Je suis désolé, mais on verra Enzo. Thierry Henry n'a aucune expérience, donc tu mets n'importe qui en face, il sera plus crédible. Non mais c'est pas ça. Ils veulent pas d'Henri, mais c'est pas ça. Ils veulent pas de Renard. Mais au-delà de ça, si Henri, on ne pourra savoir son niveau que quand il aura coaché. Zidane, au début, on a dit quoi? Il est nouveau, il a expérimenté. Le mec, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc, il avait coaché 2 ans ou 3 ans les jeunes et il avait fait adjoint d'Ancelotti. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas, je suis d'accord. Henri, il a été adjoint de. Voilà, je suis d'accord, c'est pas prendre Henry, en main. Il a été adjoint. Une sélection, pas un club. Oui, oui, et puis il a été coaché par l'un des plus grands managers du mondial. Mais de toute façon, c'est pas la même. On verra. Disons, sur le court terme, si on fait pas Thierry Henry, il y aura des problèmes. Ranieri, on le savait depuis hier soir, puisque c'est Manu Longeon qui nous l'a dit dans l'émission, il nous a dit Ranieri, c'est rideau. Mais, il faut savoir que avec Hervé Renard, on est déçu tout de suite. Donc, on peut avoir qu'une belle surprise, comme on a eu avec Poyet. Avec Henry, on peut aller de déception en déception. Une belle désillusion là. Et GACP, s'ils mettent pas les moyens aussi, on peut avoir des problèmes avec. Alors que s'ils mettent pas les moyens avec Renard, on dira bon, un entraîneur. Les enfants, 21h43, on va quand même à un moment donné rendre l'antenne. Parce que on est censé finir à 9h30. Alors, tout simplement. C'est simple, bête et méchant. Grand nom du football africain. La bonne nouvelle, les enfants. La bonne nouvelle, c'est que la prochaine émission, nous saurons. Voilà. Nous saurons qui est l'heureux élu. Nous saurons qui a accepté de foutre les pieds dans ce boxon phénoménal. Qui n'a pas peur de chanter les pieds dans le caca. Un sourire pour connaître la femme jusqu'au de Adrien avant l'entraîneur. Nous saurons qui sera le chef de file. L'enquête et nous aurons même des noms de nouveaux joueurs à vous donner. Puisque n'oubliez pas, donc vendredi. Pas de nouveaux joueurs. Ouais. Alors juste, vendredi, à vérifier, c'est pas 21h parce que je demande si devant le match, je fais pas sa rentrée. On va juste finir sur un. Donc un ça sera 21h. De l'ours à collier. Vous la sentez venir l'histoire? Pas d'accord entre Thierry Henry et JCP. Nico Aterano constate que JCP. Sont non fiables. MC rompt les négos. M6 signe Thierry Henry et investit les sous de Malcolm plus 20 millions en transfert. Les FCGB plus Thierry Henry dans tous les médias. Série de victoires. FCGB en Ligue des Champions. Stade plein. Et puis le réveil sonne. Voilà, il m'a tué. J'ai bien le beau rêve. Voilà. Mais bon, déjà demain, au revoir Poyet. Voilà, démission. Bah déjà demain, Poyet sera licencié. Oui, mais officiellement, Poyet sera licencié. Il y a le choral, voilà. Il y aura une vidéo. Merci Poyet. franchement, déclaration de Poyet. Après, franchement, on peut pas lui reprocher les résultats à Gustavo Poyet. Les résultats, il les a. C'est oui. Voilà. Après, c'est sur le reste. Dont on ne sait pas, on entend des on-dit, des machins, des mais trucs. Martin l'a clairement dit. On peut pas lui reprocher les résultats. Et même pour nous, sur le ressenti et déclaration et tout ça, il y a la fin du championnat. Même il y a eu une conférence de presse de Martin après le championnat pour parler d'année prochaine. On rend l'antenne là, on va pas faire l'histoire. Et puis Poyet qui change. On fera l'histoire vendredi. Vendredi donc à vérifier si c'est pas 21h au lieu de 20h vendredi. Si c'est 21h. Donc c'est 21h. On vous dira ça sur les réseaux sociaux. Bah ouais, parce que je crois que vous pourrez écouter de 19h30 à 21h nos copains de devant le match qui reprennent leur émission. Comment ça non? Mais pas le 7. Mais ils avaient pas dit qu'ils reprennent le 31. On verra ça. Je crois qu'ils reprennent le 31. Vérifie. Mais il me semble qu'ils reprennent vendredi. Ça peut... Même là, il y a du suspense. Parce qu'on a, une émission à 20h, normalement. Non. Oui. Je te promets. Mais ils l'ont dit sur Facebook. Il y a du suspense. Et à noter partout. Aussi que vous pouvez retrouver, un tweet tout ça pour des ultramarines qui sont sur leur compte officiel pour parler de leur histoire avec Alain de Wessler. Oui, tout à fait. Alors, on va pas refaire l'histoire. Non, mais c'est juste pour que les gens aillent voir d'eux-mêmes comme ça. C'est ça. Vendredi pro. Donc, je pense que ça veut dire vendredi. Bref, on vous tiendra au courant. Ouais, c'est un peu bizarre leur truc. Donc, c'est soit 20h, soit 21h. Allumez la radio à 20h, arrivez à Rigier à 20h. Au pire, on est là. Au pire, vous attendez une heure. Mais allez. Au pire, vous écoutez. Merci. Au pire, vous écoutez devant le match. Ça se trouve, c'est eux qui auront l'exclu pour. Merci Marc. Merci Adrien. Merci Enzo. Merci à Alou Diarra. Merci à Lucas. Merci à Greg. Merci à Lamine et merci. On a eu qui? On a eu 4 personnes au téléphone. Je sais plus qui était le premier. Je ne sais plus. Aurélien. Voilà. Merci à vous. Les phrases de fin, oui, tout à fait, Marco, les phrases de fin. Mais écoute, très content d'avoir pu continuer la discussion avec Dugarry qui a eu l'honneur de rappeler. Vraiment. C'est tout à son honneur. Oui. Adriano. En route pour Bakou avec Camano. Il y a marqué qui dans le dos? Diarra. Ah, Diarra. Je me disais pourquoi il a pris le maillot, il a pris le et, truc. Et le masque? Tu le fais quand? Il a pas le masque de Diarra. Mais là, il est obligé. Ah, mais Diarra n'entre pas dans le clan des masques de joueurs. Quoique, il a des bons joueurs quand même dans son clan. Il y a Carasso, il y a Diabaté. Il y a des bons joueurs. Et sur le maillot, si ça se voit plus, il y avait la signature de Plasil qui est encore et de Planus. T'as juste tellement sué dedans. Il a fait un maillot avec des dédicaces. Ça joue. Ouais, c'est normal quand t'es petit. Bah oui. Enzo, ta phrase de fin? Retourne dans ta forêt, renard. D'ailleurs, c'est faux, les renards ne vivent pas dans les forêts. M'en fous. Le blasé, le aigri, tu sais. Le mec, il veut le gars. Alors attends, je vais m'en faire un autre là. Je me suis fait marquer l'autre jour, maintenant je vais me faire Enzo. Le gars, il voit que le bling-bling, tu sais, que le brillant, tu vois. Le mec, que ça claque. Je répondrai même pas parce que la fondation. Va voir sa carrière sur Firefox, à renard. Allez, merci à vous tous. On se retrouve donc, voilà, je vais même pas, voilà, je vais m'arrêter là-dessus. On se retrouve donc vendredi, soit 20h, soit 21h. On tiendra au courant, suivant comment ça se passe. Quoi qu'il arrive, ça sera jusqu'à tard. Mercato oblige, nouveau coach au Nive et tout ce que vous voulez oblige. D'ici là, jeudi soir 20h45, match retour tous au stade Bordeaux-Lagantoise, 5€ gratuit pour les abonnés, 5€, venez avec votre femme, votre fils, votre chien, tout ce que vous voulez, venez faire du bruit, venez encourager les Girondins et on pourra au moins se dire qu'on était là et qu'on sera pas, voilà, on pourra pas mettre ça sur le dos des supporters pour une fois. Allez, merci à vous tous, bonne semaine, bon match jeudi et allez Bordeaux.